Bienvenue tout le monde sur la POC édition du 26 janvier 2018. D'entrée de jeu, je vais vous souhaiter une belle année 2018 pour ce qui est de les émissions régulières, parce que notre premier show en 2018 a été un show spécial avec Sylvain et Eduardo sur les Prédateurs de Nashville. Donc pour les gens qui ne suivent que les épisodes sur le Canadien, bienvenue vous autres aussi en 2018. Mon nom est JB Gagné, je suis l'animateur de ce beau programme et cette semaine avec moi, je vais enlever mon balai dans mes fesses, je vais me décoincer. Ah, ok. On est prêt à accueillir avec nous Sylvain Rioux. Hey, hey, bonjour, bonjour. Comment est-ce qu'il va? Ben, ça va super bien. Et toi-même? Ben, écoute, je suis dans une forme massacrante. Écoute, pis tu sais, écoute, les gens vont comprendre dans 10 secondes pourquoi qu'on est fébrile comme deux jeunes fillettes, là. Moi, j'ai un semi-croquant et je pense que ça va se finir avec une flaque dans mes culottes. Yeah. Vous venez d'entendre son rire, son ha et sa bonne humeur contagieuse. Avec nous, Jerry Godbout. Hey, salut, salut. Je suis là, enfin, revenu de ma blessure de je sais pas trop où sur le corps. Puis on va reformer le trio. Vachinette. T'étais-tu parti au match des étoiles puis tu nous avais pas averti? Ah, mais je suis live là à Tampa Bay en fait, mais ça serait tellement magique. Donc, t'es de retour, une première pour la... Je pense que c'est notre quatrième saison hein, sur la POC, c'est une première, toi puis Sylvain, les deux ensemble. Sylvain qui est venu en renfort, puis que... Moi, je pense qu'on peut y donner son full patch. On peut dire qu'il est dans l'équipe. Mais en fait, la première fois que j'étais venu sur le show, Jerry était là. Bon. Mais je veux dire, ouais, cette saison aussi. La deuxième fois, ouais, ben non, la deuxième fois, je suis parti dans le show. Mon chauffeur, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait qu'une chance que j'étais là cette fois-là, parce que sinon, ouais, je pourrais fini. Ouais, c'est ça. Pouette. Ouais, vraiment. C'est des choses arrivent. Ben, en fait, on veut pas que ça arrive, mais c'est des choses qui arrivent. Oh, c'est réglé. Ouais. Je sais comment ça marche à Star, fait que tout est bon. un homme qui apprend de la situation. Moi, là, écoute, depuis que j'ai une maison, là, je n'ai jamais changé autant de cuves de toilettes. Ah bon, à ce point-là? Ah oui, on a changé deux dans la maison. Ça coulait, ma blonde. Non, ça coulera pas. On a changé tous les toilettes dans la maison. Fait que... Moi, je pense que le problème, c'est plus au niveau de ta diète, JB. Peut-être. Je pense que soit que tu manges trop de fibres ou pas assez. Ben, en fait, je pense que je mange trop acide. Ça brûle les joints. Fait que ça se met à couler. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ça. Ah, ben ouais. Écoute, on va lâcher la plomberie, surtout ma plomberie, et on va statuer sur la situation du Canadien de Montréal. À ce moment-ci, écoute, quand même douillet, vendredi 26 janvier 2018, le Canadien de Montréal est loin d'être dans la course aux séries avec ses 46 petits points en 49 matchs. Donc, le Canadien ne joue pas pour 500. Je ne vous ferai pas la nomenclature de tout ce que le Canadien a fait dans le temps des fêtes parce que ça fait pratiquement un mois qu'on n'a pas couvert de show. Notre dernière édition était le 13 novembre dernier. C'est pour vous dire comment est-ce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé du Canadien. Durant cette période-là, il y a eu 18 matchs des glorieux, pas tant glorieux. 7 victoires, 9 défaites et 2 défaites en prolongation pour un maigre 14 points en 17 matchs. Donc, le Canadien qui a continué à s'enliser au classement. Actuellement, le Canadien ne dépasse que les Panthers de la Floride, les Sénateurs d'Ottawa et les Sabres de Buffalo pour ce qui est de l'Est. Et actuellement, écoute, les 6 équipes qui sont assurées de faire les séries, c'est Washington, Columbus, Pittsburgh, Tampa Bay, Boston, Toronto et les Wildcards, le New Jersey et Philadelphie pour ce qui est de l'Est. Et dans l'Ouest, Winnipeg, Nashville, Saint-Louis, Vegas, San Jose, Calgary pour les classés. Et les Wildcards sont Dallas et le Colorado. Donc voilà pour la situation du Canadien de Montréal en ce moment. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut partir de la discussion? Parce que moi, là, j'ai un sujet assez solide pour partir ça. Faut qu'on parle des vraies affaires chez le Canadien. Me laissez-vous commencer, les boys? Ben oui. On m'a starté ça. Le Canadien de Montréal a ramassé au balotage Logan Shaw, un joueur de centre. Que le Canadien a dit, lui, il va jouer au centre, mais qui, en entrevue, a dit, non, moi, je joue pas au centre. Je trouve que ça en dit long sur l'organisation du Canadien de Montréal, ce genre de réclamation-là au balotage. Vous autres, comment vous le trouvez jusqu'à maintenant avec le Canadien? À part le fait qu'il soit un peu invisible? Passager. C'est le meilleur mot que tu peux donner en ce moment. Ça va ressembler à ça. Il est pas mal dans le Winbagan? En tout cas, whatever. Écoute, il est tellement invisible que je pourrais même pas te dire c'est quoi son numéro. Non, moi non plus. C'est le 49. OK. J'ai de la mémoire pour des choses que je devrais pas. Le chaton mexicain El Chat, parce que sur son jersey, c'est El Chat. Vous voulez pas? Fait que moi, je trouve ça très drôle de l'appeler le chaton mexicain. Moi, quand je dis que ça en dit beaucoup sur le Canadien de Montréal, c'est que le Canadien a décidé de ne pas faire confiance à ces jeunes de l'organisation qui pouvaient jouer au centre. Que ce soit dans la Ligue américaine ou chez le Canadien de Montréal, tu as, à ce moment-ci de la saison, t'as Chat, pas Logan, mais l'autre Chat qui est blessé, qui faisait quelques présences au centre, qui est pas là. T'as aussi l'autre, là, Dano, qui est blessé. Et t'as deux postes de centre et tu mets pas encore Galchenyuk au centre. Udon, Galchenyuk, McCarron qui pourrait jouer en haut. Ouais. Name it, t'en as quelques-uns qui, tout ce beau monde-là, se font dire le dude là, qui a été scratché le trois quarts des matchs avec les Ducks va venir vous dépasser. Me semble que c'est pas un message très bon, un, pour les prospects de l'organisation. Parce que tu leur donnes pas de signe qu'ils pourraient améliorer leur sort et se ramasser dans la Ligue nationale. Et en plus, ça perpétue la non-utilisation, entre autres, de Galchenyuk au centre. Moi, ça me fait capoter. Là. C'est une vraie joke. Écoute, moi, j'ai l'impression que on joue la même cassette à chaque show, puis qu'on en revient toujours pas, puis calvasse! Y a-t-il quelqu'un qui va se réveiller à un moment donné? Il faut vraiment que quelqu'un se sorte la tête du cul à Montréal parce que il y a personne dans tout le restant de la Ligue, dans les 30 autres clubs. Tu leur mets la liste des vrais joueurs de centre du Canadien. Il n'y a aucun des 30 autres dirigeants de la Ligue qui va mettre Jacob Delarose avant Alex Galchenyuk. C'est impossible. On en parlait sur le dernier show, il a piloté le premier trio avec Drouin et Galchenyuk sur les ailes pendant une période et genre 8 minutes. Là. Et c'était un franc succès, hein, on s'entend? ouais. Delarose, là, il est vraiment fané. Oui. Autant faut que le Canadien sache qu'est-ce qu'ils ont entre les mains? Moi, mon planning, ça serait ça. Le Canadien est éliminé. Donnons le maximum de chances aux jeunes de l'organisation. Mettez, tu le fais jouer 24 à 25 minutes par match. C'était des erreurs, pas erreurs. Le dernier match là, contre les Hurricanes de la Caroline, il a fait des gaffes. Donne-y du temps pareil. Les autres en ont fait. Yerabek en a fait. Osner en a fait. Ben en a fait des gaffes. Pourquoi pas Mété? Pour moi, c'est pas plus grave. Au moins, Mété, lui, quand le Canadien aura des perspectives de gagner, fera partie de la solution. Le reste aussi, là, les jeunes de l'organisation, les McCarron, les Sherbach, les Odette, à la limite, donne-leur la possibilité de se faire valoir dans la Ligue nationale. Donne-leur un vrai test. Et après ce test-là, tu vas le savoir s'ils vont faire ou non la Ligue nationale un jour et qu'ils vont pouvoir faire partie de la solution. Ben c'est ça. C'est le meilleur moyen de les évaluer, en fait. Ben oui. Dans le gros show. Mets-les directement là. Imagine si tu mets des jeunes qui sont capables de gagner, ce qui serait pas vraiment nice en ce moment pour les Canadiens. Mais tu te rends compte quand même que, mon club est parsemé de jeunes joueurs, puis whoop, on gagne plus qu'on gagne avec les vétérans, tu sais. Ça serait un message, là. Non, c'est ça. Mais peut-être que tu changes. Mais mettons que le Canadien, avec ces jeunes-là, se met à gagner, tu dis « Ah, ben c'est le fun pour les prochaines années. » Tu sais, il y a un vent d'espoir. Au moins, tu auras gagné, tu auras généré des points qui vont te reculer au repêchage par des éléments qui vont faire partie de la solution dans le futur. En ce moment, là, pour moi, d'avoir exemple, D'avoir Lekkonen qui est un de tes attaquants les plus utilisés quand il marque pas puis il génère pas de points depuis une vingtaine de matchs. Il a scoré dans un seul match cette saison-ci et il est un des attaquants les plus utilisés. D'avoir un Tomáš Plekanec qui en joue presque 17 minutes par match, c'est pas supposé. T'as pas rien à gagner à donner du temps de glace à lui plus qu'aux autres. C'est pas Plekanec qui va être là quand ça va être le temps d'avoir une solution gagnante, là, quand ça va être le temps de générer des bonnes performances. Le match d'hier, au moment d'enregistrer, le match d'hier, c'était contre les Hurricanes. C'est le dernier match avant la pause pour la partie des étoiles. David Schlemko est ton deuxième défenseur le plus utilisé avec 20 minutes de temps de jeu. Il y a seulement Petrie qui en a 27 minutes. Qui a joué plus? David Schlemko, là. Moi, j'en suis venu avec j'ai fait une comparaison, là. Puis je me suis dit que probablement, si tu mets un piment dans un patin, là, il y a des chances qu'il soit meilleur. Si tu le mets sur le ballon, là, puis il tient une boute, oui. Pour vrai, là. Schlemko, c'est atroce à quel point c'est désagréable de voir jouer. C'est pas genre. Tu sais, Petrie, ok, des fois je peux chialer parce qu'il est moins bon, mais tu sais, Petrie, il essaie de faire de quoi, puis ça s'est replacé moindrement, tu sais. Mais Schlemko, c'est juste tout le temps mauvais. Mm-hmm. T'imagines-tu ouais, que. Schlemko, là, c'est même pas un piment rouge ou un piment jaune, là. C'est un piment vert que personne n'aime, là. Ouais. Genre. Tu sais, parce qu'un rouge, il y a un petit côté sucré, c'est bon, tu sais. Mais. Lui, c'est vraiment le piment vert qui est sur ta pizza que t'enlèves. Là. Mm-hmm. En ce moment, dans la brigade du Canadien de Montréal, t'as 5 de tes 6 défenseurs qui sont signés pour encore la prochaine saison, qui sont en train de jouer. Là. Il manque chez Weber. On s'entend-tu qu'on n'est pas très loin? Là. Théoriquement, Weber est là, on déplace tout le monde de une chaise plus bas. Là, ils sont grimpés une chaise au-dessus. Petrie joue plus. Osner joue plus. Schlemko joue plus. Ben joue plus. Mais pas tant que ça par rapport à ce qu'ils sont censés faire. C'est atroce, cette brigade défensive-là. Et on est pogné avec pour encore 2 saisons. À moins que Marc Bergevin avoue certaines de ses erreurs et liquide certains des joueurs qu'il a sous la main. Et attendez-vous pas que Osner soit celui qui soit liquidé. C'est la première saison avec le Canadien et on l'a signé à fort prix. Il n'y a personne qui va vouloir le ramasser avec ses 625 000 $ de salaire pour les 4 prochaines saisons. Il n'y a personne qui va vouloir le ramasser. Là. Non, l'idéal, c'est Petrie, il faut que tu t'en débarrasses. Ben, si tu es capable, Weber, pour de quoi être solide. Parce que de toute façon, on est dans l'optique qu'on reconstruit un peu. Là. Après ça, Osner serait l'idéal aussi, mais comme tu as dit. Ça marchera pas. Non, c'est ça. Il y a TVA Sports qui présentait aujourd'hui un article avec son top 6 des joueurs qui ont le plus de chances de quitter le Canadien de Montréal. Je vous fais le topo. Bien entendu, on dit Max Pacioretty parce que toutes les rumeurs parlent de Max Pacioretty. Ensuite, on parle de Tomáš Plekanec. C'est sa dernière année de contrat. C'est un centre qui peut avoir une certaine valeur sur le marché comme troisième, voire quatrième centre dans une équipe qui aspire aux grands honneurs. Ensuite, on parle de Deslauriers, Galchenyuk, Shaw et de Barron. Avez-vous remarqué que dans cette liste-là, il n'y a aucun des défenseurs de cette magnifique brigade à laquelle il ne manque qu'un seul élément et que même quand cet élément-là était parmi la formation, le Canadien s'enlisait. Parce qu'on va se le dire, là. Même avec Shea Weber dans l'alignement, le Canadien de Montréal ne faisait pas les séries. Quand Marc Bergevin va venir faire son bilan à la fin de la saison, puis il va nous dire « Ah, mais Carey Price a été blessé, ça nous ennuie. Mais Shea Weber a été blessé, ça nous ennuie. Ouais, mais les Canadiens sont exclus des 7 premiers matchs, quand même pas si mal. » C'est de la marde, là. C'est des plates excuses parce que les sept premiers matchs, tu peux pas les exclure de l'équation. Là. Tu peux pas les enlever. Là. Ensuite, les blessures. Excusez-moi, mais au moment où est-ce que Price a été blessé, le Canadien de Montréal n'était déjà pas dans le portrait des séries. C'est pas comme s'il y avait un coussin puis qu'il avait fondu à force de matchs ratés par le gardien de but numéro 1 de l'organisation. Non! Et quand Weber s'est blessé, aussi le Canadien était déjà éliminé. Ouais, puis tu sais, là, à un moment donné, là, aussi, là, combien de saisons en ligne que tu vas pouvoir aller faire ton bilan en disant, ouais, ben, tu sais, le feu a pris quand il y a un de nos joueurs qui a été blessé. Ça en dit long en Jésus-Christ à la profondeur de ton équipe quand tu es capable de blâmer une mauvaise saison sur la blessure d'un joueur. Si toutes les planètes sont alignées, le Canadien peut faire des séries. C'est à peu près ça que ça nous dit, là. Ouais, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, l'alignage de planètes, là, ça, à chaque année, il faut qu'on espère ça, là. Ça va être spécial, là. Ben, hey, les Jets de Winnipeg ont perdu Scheifele. Puis continue de se battre pareil. Les Prédateurs de Nashville ont perdu Philip Forsberg. Ça continue à se battre pareil. Pourquoi? Parce que ça ne repose pas que sur une personne ou sur deux joueurs. C'est une équipe qui est bâtie pour ça, tu sais. Puis pour répondre à ta question, JB, qui c'est que tu veux qui veulent un de tes défenseurs, tu sais? Si t'as une vieille Toyota Tercel 84, avec 625 000 kilos, puis que tu la mets sur Kijiji, puis tu demandes 3 000 pour, là, ben tu as bien eu un beau vouloir la vendre, puis la vendre, mais il n'y a pas personne qui va te l'acheter. Ben c'est un peu ça avec la Brigade du Canadien. Qui c'est que tu veux? Tu sais, le seul qui pourrait, tu sais, une équipe qui est mal pris, qui a une blessure, moi, je verrais comme, tu sais, un Jordy Benn peut te dépanner, tu sais, pour une petite run en playoffs, mais puis parce qu'il n'y a pas un salaire qui te fait trop mal à ta masse, mais qui c'est qui va aller te chercher un Schlemko ou un Osner? No way. Tu es capable d'avoir mieux que ça à meilleur prix. Ouais, puis avec moins long de contrat, t'es menotté. Schlemko, c'est 3 ans. Osner, c'est 5 ans de contrat. Petrie, c'est encore... c'est 4 ans. Là, après la prochaine cette saison-ci, il en reste 3. Et chez Weber, c'est... Je pense que j'ai eu le temps de revenir sur Terre une deuxième fois. Là. Ben, troisième, ouais. si on inclut la résurrection, mais ça, mettons que c'est le même voyage. Ouais. Puis, non, mais je pense que Weber, après cette saison-ci, je pense qu'il en reste 7. 6-7. Attends. En tout cas, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que moins cette saison-ci, il en reste 6. Tu sais, c'est ça. C'est long, longtemps. C'est 2023-2024, sa dernière saison de contrat. C'est long, longtemps, là. Quand on... Et je leur dis encore, là, chez Weber, ça fait longtemps que c'est un de mes défenseurs préférés dans la Ligue, mais on commence à parler d'un ralentissement depuis l'année passée. Depuis qu'il a été changé. Oui, tout c'est à fait. C'est long. Non, ça avait même commencé avant ça. Ben tout oui. Le monde l'avait vu, sauf Marc Bergevin. Là. En playoff contre les Sharks, il était loin d'être le défenseur rutilant qu'il avait déjà été. Et à ce moment-là, tu sais, au moment de la transaction, là, je me rappelle avoir entendu de la bouche d'un expert, entre guillemets, là. Ouais, mais tout le monde nous parle de ce match-là, le septième qui a fait que Nashville a été éliminé, ou est-ce que Shea Weber a été coupable de... Il était comme 5 des 6 buts de l'autre des Sharks, il était ça à glace, puis c'était de sa faute, là. T'sais, des mauvais pinches, des mauvais dégagements, des mauvaises passes, des choses comme ça. Ouais, mais ça, c'est un match, voyons donc, sur l'ensemble. Non, c'était plus que juste un match. Oui, c'était le match qui montrait comme tous les symptômes highlightés, surlignés, avec des néons qui pointent, là. Mais oh oui, c'est son pire match en carrière. Mais là, c'était plus que ça. C'est une tendance qui était inquiétante et là qui est en train de devenir assez lourde. Merci. Là. Demain matin, Shea Weber est en santé. Mettons là, qu'il n'est pas blessé cette saison-ci. Aurait-il été invité au match des étoiles à la place de Carey Price? Pense pas. Ouais. Personne ne méritait à Montréal. Le seul qui le méritait vraiment, c'était Gallagher. Non, mais oui, puis le en fait, la Ligue nationale voulait inviter des vedettes. Chez le Canadien, t'en as deux. T'as Weber et t'as Price. Est-ce que avoir eu les deux là, comme possibilité, parce que les deux auraient été en santé dans cet univers-là parallèle. Lequel tu ramasses? Price ou Weber? Ben, Weber pour le tir puissant. Ben moi, dans un All-Star Game, dans toutes les options que j'ai chez le Canadien, je prends Jonathan Drouin. Ah ouais, j'avoue. Moi, je l'avais oublié, lui. Tu sais, parce que Jonathan Drouin, tu le mets dans un environnement comme ça, où est-ce que tu pitches une puck sur la glace, puis « Hey, grand, vas-y, amuse-toi. » Ça va faire des flamèches, c'est sûr que certain. Ouais, mais ça, c'est en oubliant le fait que le All-Star Game, ils veulent pas un show là-bas. Ils veulent pas avoir les meilleurs. Ils veulent attirer le public avec les Stars. Et, ben, Drouin n'en est pas une encore. Ah non, ça, c'est sûr et certain, ouais. Mais... C'est ça. Si, tu sais, Jerry aurait raison quand il dit que oui, c'est Brandon Gallagher qui le méritait le plus. Et je suis un de ses plus grands fans de Brandon Gallagher. Sauf que... Tu veux le pas monde... le voir à une ouais. Game des étoiles. Ça, le monde ne veut pas voir un gars qui fonce au net. Ils veulent voir des mains. Non, c'est ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, parlant de Drouin, ça, c'est un truc que j'ai publié sur notre page cette semaine. Il y a Mathias Brunet qui a parlé, qui a fait un billet de blog à la suite du match de 3 points de Drouin en disant « Bon, ben Jonathan Drouin pourrait s'être relancé. » On voit finalement que c'est pas le cas. Là. Il y a quand même 7 points à ses 7 derniers matchs et 25 points à ses 43 matchs précédents. Et là, dans l'article, il dit « Alex Galchenyuk, lui, a 20 points à ses 25 derniers matchs. » Comme si c'était équivalent l'un l'autre. Mettons que tu dis « OK, on va faire le ratio de points par match. » On parle de 0.8 points par match pour Galchenyuk contre 0.58 pour Drouin. Moi, j'ai la fâcheuse impression qu'on diminue toujours les performances offensives de Galchenyuk. Non, moi, j'ai lu ton commentaire là-dessus, puis quand je l'ai lu, moi, j'ai pas vu ça de la même façon. Moi, j'ai vu ça un petit peu comme si Mathias Brunet piquait un peu l'état-major du Canadien en disant, gars, oui, Drouin se replace, il a 27 points en 43 games, mais Galchenyuk a 20 points en 27 games. Tu sais, autrement dit, imagine si tu l'utilisais comme du monde. Moi, je pense que c'était cet angle-là que Mathias Brunet a voulu prendre. Du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai lu. C'est peut-être trop subtil pour mon petit cerveau. Peut-être. C'est toi qui le dis. M'a laissé place au doute, mais parce que, comme on disait sur le dernier show, encore une fois, tu sais, François Gagnon, même affaire, qui mentionne « Ah, c'est drôle, hein, Galchenyuk qui se réveille quand la saison de Canadien est éliminée. » Mais, du même coup, du même souffle, ne parle pas du capitaine qui, lui, tout d'un coup, marque, il a 7 buts à comme ses 10-12 derniers matchs. Ah, le Canadien est éliminé, lui aussi. Mais, non, ça, c'est pas une coïncidence. Pacioretty est juste, c'est juste un gars de séquence, hein, puis, tu sais, c'est le même depuis le début de sa carrière. Mais Galchenyuk, lui, on souligne, ah ouais, mais tu sais, sa saison de 30 buts, il a fait ça quand le Canadien est éliminé. Mais on enlève le fait que l'an passé, c'est en début de saison que Galchenyuk avait un point par match au centre de plus. Fait que le Canadien, à ce moment-là, était pas éliminé. En fait, était même très bien positionné. J'ai l'impression qu'on distorsionne toujours un petit peu la réalité pour passer le message qu'on souhaite. Et le message qu'on souhaite, c'est que Galchenyuk, c'est ben, le mal-aimé. C'est celui qui est sacrifiable, c'est celui qui représente tous les travaux de la formation et sur lequel il est facile de mettre le blanc. Ben oui, c'est exactement ça. T'sais. Puis moi je l'ai répété souvent, là. Puis moi, je vois dans le cas de Galchenyuk un peu un Tyler Seguin 2.0. Mais je dis pas qu'il a le même talent que Tyler Seguin, mais à l'époque, avec les Bruins, on disait bah, c'est pas un joueur de centre, c'est pas un. Il a pas de grit, ce gars-là. Il serait jamais capable de jouer un rôle de premier centre. Il sera jamais un vrai gars de top 6. Et pourtant, ça fait 4 ou 5 ans qu'il est toujours dans le top 10 des meilleurs marqueurs à la fin de chaque saison. C'est probablement un des meilleurs premiers centres de toute cette ligue-là. Puis c'était qui son coach déjà qui le faisait pas jouer au centre quand c'était un centre, qui disait que c'était pas un centre? Claude Julien. Ouais. Ah, il y a beaucoup de similitudes. Ouais, ben, tu sais, en même temps, chez le Canadien, toutes les histoires se répètent. Hein? Bon, on sait déjà l'identité du prochain coach, right? Ça va être Vigneault. Hein? Je vois pas d'autres options. Là. Ouais, parce que c'est le seul des francophones qui reste, tu sais. Ouais, c'est à peu près ça. Ben, si ça arrive, là, m'a pété une coche. Hey, je reviens. Mais sais-tu ouais? quoi, moi, dans n'importe qui pouvait revenir, là, je vivrais beaucoup mieux avec Alain Vigneault qu'avec Dumb and Dumber qu'on vient d'avoir, là. Ouais. Ben, tu sais que. Je vous laisse deviner qui est Dumb, qui est Dumber. Ça, c'est interchangeable. Tu sais. Humpty et Dumpty. Ouais, c'est ça. Mais je reviens, tu sais, à l'article de TVA Sport avec les six noms qu'ils ont mentionnés. Je veux avoir votre avis, là. Max Pacioretty, d'ici la date limite des transactions, sera-t-il échangé par le Canadien? Non, mais il devrait. Ouais, ben moi, je pense pas aussi. Parce que probablement que Marc Bergevin, encore là, va demander la lune pour. Puis, tu sais, si nous autres, on sait que c'est pas Max Pacioretty qui va te faire gagner en playoff, je te garantis que les 30 autres équipes le savent aussi. Ouais. Je lisais deux articles sur le Dans les coulisses cette semaine. Un par rapport à ça, vous allez voir le lien, c'est que Bergevin, semble-t-il, serait extrêmement gourmand, peut-être même trop, aux yeux de quelques dirigeants dans la Ligue nationale. Ça, on n'est pas surpris, mais en même temps, on disait la même chose de Joe Sakic et finalement, il a décroché la lune en twistant deux équipes avec lui dans cette valse-là. Fait que ça, je laisse un bémol, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler que les négociations avec Bergevin, c'est pas nécessairement aisé. L'autre truc, puis ça, ça fait un lien avec notre show précédent par rapport à Nashville. Il y a beaucoup de remises en question par rapport à la transaction de Piquet Sauban. Talent pour talent, Weber, Subban, OK, on reviendra pas là. Mais il y a beaucoup de sujets par rapport à ça. Il y a beaucoup de discussions qui se sont faites par rapport à cette notion-là. Mais l'autre facette qui est un peu nouvelle, c'est que, semble-t-il, que Subban n'aurait pas accepté que ce soit Max Pacioretty qui ramasse le C. Quand il y avait place libre pour avoir le C sur son chandail, devenir le capitaine, il n'aurait jamais accepté. Et là, ben, l'hypothèse de certaines personnes maintenant, c'est de dire que ben, le Canadien aurait fait le choix, pas entre Piquet Subban et Shea Weber, mais entre Piquet Subban et Max Pacioretty. Et échanger Max Pacioretty 2 ans plus tard, ce serait d'avouer qu'ils se sont trompés de cheval de bataille. Ben, c'est exactement ça. Puis moi, je le répète depuis la journée de la transaction. Moi tu sais, parce qu'on le sait, les deux gars avec lesquels que Piquet Subban a eu des problèmes dans ce vestiaire-là, c'est les deux locumen qui sont Max Pacioretty et le beau Tomáš. Tu sais, les deux gars qui ont autant de charisme et d'émotion qu'un biscuit soda pas de sel. C'est sûr et certain qu'ils sont pas capables de gérer d'être dans la même chambre qu'un gars exubérant qui se donne à 150% même quand c'est 6-0 pour l'autre club. C'est sûr qu'ils sont pas capables de dealer avec ça. Fait que moi, je l'ai dit depuis le jour 1 de cette transaction-là qu'on n'a pas choisi le bon core de leadership entre parenthèses. Parce que, selon moi, le leadership de ce club-là aurait dû reposer sur Brendan Gallagher et Piquet Subban. Et moi, quand il y a eu l'histoire pour le capitaine, mon choix à moi, c'était Brendan Gallagher. Parce que je le vois comme un capitaine qui mène par l'exemple. Mm-hmm. Qu'il n'a pas besoin de rien dire, il fait juste « suivez-moi les gars ». Puis on va se rendre là. Et je suis convaincu que si Brendan Gallagher avait été choisi, Piquet Subban aurait ravalé la pilule, je pense, pas mal plus facilement. À la limite, l'aurait pris comme, OK, oui, j'accepte, puis c'est vrai qu'il a ce qu'il faut, puis étant plus jeune, il risque d'être là plus longtemps, il caractérise ce qu'on vise à être en tant qu'équipe. pas mal convaincu que Subban aurait accepté. Là. Il aurait peut-être même encensé cette décision-là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Ouais, non, c'est, non, vrai, c'est pas ça qui est arrivé, certain. Je me souviens aussi d'un moment donné, Subban s'était pogné avec Patchardy sur le banc. Fait que, ça se peut que les deux s'aimaient vraiment pas. Vous rappelez-vous, à un moment donné, il y avait un scrum autour de Patchardy, puis là, Subban jasait avec quelqu'un d'autre, puis Patchardy, il s'en revient de bord, puis il fait comme « Shut up! » Puis il revient, tu sais, c'est comme « Oui, c'est ça, OK. » C'est le même ça se passe dans le vestiaire. Puis là, ça avait fait jaser pendant 8 minutes à Montréal, c'était le gros boss, puis après ça, on avait oublié cette patente-là, mais... Il me semble que c'est pas le genre de truc qu'on... De la part d'un capitaine, il me semble que c'est pas ça que tu veux voir. Surtout quand t'as toutes les caméras qui sont braquées sur toi, là. Ouais. Ben à Montréal, là, depuis une couple de saisons, là, c'est weird. Surtout depuis le départ de Subban. Ouais. Non, écoute, ouais, pis tu sais, même là, tu sais, quand on... Pour revenir quand ils ont nommé Max Pacioretty comme capitaine, là, t'avais un capitaine avec trois assistants. Fait que c'était Max Pacioretty qui était le capitaine, avec Markov, Plekanec, deux gars qui ne sont pas reconnus pour être les plus démonstratifs, avoir le plus grand charisme ou rien aussi. Puis t'as piqué là-dedans. Qui est complètement diamétralement opposé à ça. C'est. Je comprends vraiment pas qu'est-ce que Thomas Plekanec fait avec une lettre sur son chandail depuis toutes ces années-là. C'est juste parce que ça fait longtemps qu'il est là. C'est en plein ça. C'est probablement la seule raison. Si c'est ça, c'est triste en tabarouette. Là. Ouais. Mais c'est triste aussi. Ouais, mais il n'y a pas d'autre raison, JB, là, honnêtement. Là, c'est pas parce que c'est un modèle de constance. C'est pas parce que c'est un money player. Ou... C'est la seule chose, là. D'après moi... C'est parce que ça fait assez longtemps que t'es là que... T'sais, que... T'es comme les meufs, fait qu'on... On te exactement. Donne, on t'épingle sur le mur de l'employé du mois, là. D'après moi, c'est parce qu'il est bon, ça la rondelle, puis il gagne ses mises en... D'ailleurs, j'ai vomi. Non, mais d'ailleurs, ça, je pensais à ça dans le char tantôt en venant du travail, puis toutes les tractations là, par rapport au poste de centre, puis le fait que Drouin, ça fonctionne pas, c'est pas son rôle. En tant que capitaine de l'organisation, pourquoi on n'a pas essayé Max Pacioretty au centre? On a essayé Petit Joe, on a essayé Logan Shaw, on a essayé name it, là, on a mis plein là. On veut quelqu'un qui est responsable défensivement, quelqu'un qui est conscient de son jeu, qui... Pourquoi pas Pacioretty? Il est rendu là, c'est pas plus fou que les autres options, là. Pose la question à Pacioretty, ben, il va tout dire oui? Non, mais à ta minute, là, c'est encore plus simple que ça, là. Malgré l'amour aveugle que l'organisation du Canadien semble avoir pour Max Pacioretty, je pense que même eux autres comprennent assez le hockey quand même pour savoir qu'un joueur de centre, c'est le gars qui va le plus profondément en zone adverse, donc aller jouer sur le bord des bandes. Puis, il faut qu'il soit le premier à revenir aussi. Quand est-ce que tu as vu Max Pacioretty faire ça la dernière fois? Mais tu vas voir, la 2003. Suite... Il jouait à l'université hein, dans ce temps-là, c'est ça? Oui, hein? c'est ça. Mais la réflexion allait même plus loin que ça. Je me disais... OK, mais là, tu sais, on a pris Drouin, on lui a donné une première moitié de saison, puis même là, on a recommencé l'expérience finalement au centre, puis on voit que ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne pas, mettons, moi, disons à 60%. Tu sais, il y a quand même un 40% qui fait des bonnes choses. Okay? Il y a certains éléments d'un joueur de centre qui est capable de remplir, à 40% à peu près. Max Pacioretty, on lui donne le même rôle, le même laps de temps et les mêmes coéquipiers, ses ailes. Il réussit à combien de pourcents, lui? 45? 35? Je sais pas, là. J'ai pas la réponse. Mais je trouve que c'est facile de critiquer, exemple, un Galchenyuk. C'est pas un joueur de centre, fait que ça en fait un mauvais choix pour l'organisation, ça en fait un mauvais joueur, il comprend pas. On devrait l'échanger, on devrait s'en débarrasser quand ton capitaine, ton leader ultime de l'équipe, supposément, on l'essaye même pas. puis que il y a vraiment pas de garantie qu'il aurait fait mieux que ces deux-là. Mais il est complètement tassé des risques d'avoir des critiques parce qu'on ne l'essaye même pas. On va essayer Pierre-Jean-Jacques à côté. Comprenez-vous la twist que j'essaie d'amener par rapport au fait de, dans une saison de misère, que tu n'as pas de joueur de centre, celui sur lequel tu pourrais tenter un guess, qui a la maturité, qui est censé avoir le leadership, qui a du vécu dans la Ligue nationale, on ne l'essaye même pas. Dans une saison où est-ce que tout fonctionne tout croche, qu'on fera pas les séries et que tes deux de tes quatre joueurs de centre, disons ça comme ça, là, parce que Andrew Shaw, je suis pas convaincu que c'est un joueur de centre, mais il faisait des missions de joueur de centre, et Philippe Dano se blesse. Pis on ne l'essaye pas encore. Je sais que c'est un peu tordu, là, mais il me semble que tant qu'essayer Pierre-Jean-Jacques, on aurait pu prendre un guess avec le capitaine. Ça me fait rappeler quelque chose. Je pense que c'est depuis l'année passée. J'avais vu ça dans un article. Je me souviens plus où. Je pense dans les coulisses. Pas sûr que c'est là. Ça disait que depuis l'année passée, les Canadiens avaient mis au-dessus de 15 joueurs à la position de centre. Et ont ramassé dans des échanges, des repêchages, au balotage, 72 défenseurs. Genre, non, mais pour eux, c'est n'importe quoi. J'ai dit 15 centres en 2 ans, là. Ça veut dire que c'est. T'en as quasiment pas eu un steady là, de l'année. Ouais. Bon, peut-être t'es canec, là, mais bon, c'est pour ça qu'il y a un A. Puis, reste que c'est pas normal que t'en aies eu autant. Puis, c'est pas juste comme des quatrièmes trios. Là. C'est première ligne. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont essayés là. Oui. C'est atroce. T'as pas été capable d'en évaluer un pour le mettre là puis qu'il soit capable de remplir le rôle de premier centre dans tout ça là. Ah ouais. Ben en fait, il y avait Galchenyuk, sauf qu'il gagnait pas ses mises en jeu. Ouais, puis ça c'est met droit puis il gagne pas plus ses mises en jeu, tu sais. je regardais là, les stats sur NHL.com puis au face-off, je pense que le Canadien au grand complet est autour de 48%. Là. C'est dégueulasse. Fait que tu sais, puis on n'a pas perdu tous les matchs là, puis il y a des matchs qu'on a gagnés sans gagner plus de mises au jeu que l'autre club. Regarde. Dans la séquence de 10 victoires de suite de l'Avalanche du Colorado, il y avait à peu près ça, 40% de réussite au sein de mise en jeu. Oui, puis tu sais, moi, je trouve ça toujours drôle quand une équipe essaie de te vendre le fait que, ouais, ben, tu sais, Galchenyuk, tu sais, il y a un 42-43% de réussite au cercle des mises en jeu, tu sais. C'est important le temps de possession de rondelles. Mais dans un même souffle, t'es la seule équipe encore à peu près qui joue du Chris de Dump and Chase encore. Ah oh, ouais, c'est ouais. Tellement quand pas beau. Quand tu l'as, la rondelle, là, tu t'en débarrasses. Ben, c'est ça. Ça donne quoi de gagner tes mises en jeu si c'est pour la crisser dans le fond de la zone après? Les deux seuls joueurs qui rentrent avec la rondelle dans la zone, notre trois quarts du temps, c'est Drouin et Galchenyuk. Ouais. C'est les deux seuls. C'est les deux seuls. Tu sais, genre comme Drouin, je le regarde là, des fois, là, puis il joue au centre, là. Mais il joue au centre comme un ailier. Ça marche pas. C'est. Ce gars-là est un ailier naturel. Mm-hmm. La position ben oui, c'est de centre, pas un centre. C'est... Ben c'est ça. C'est... Ça marche juste pas. Tandis que Galchenyuk, lui, on dirait qu'il est capable de rentrer un peu n'importe où, mais. Ah, je sais pas. Mais moi, je comprends pas qu'il ait juste pas essayé. Tu sais, quand t'es rendu que t'essayes pas le Biron, pis que t'as Delarose qui est sur le premier centre avant. Tu sais, je veux dire. Udon, sa première ligne au centre, ça me ferait moins chier, tu sais. Mais ben oui. Delarose puis Biron, là, non. C'est non. Tu sais, puis non seulement, moi, je suis écoute, t'as beaucoup plus de chances de réussite avec un trio de Udon, Galchenyuk et Drouin que Delarose avec Galchenyuk et Drouin. Delarose. Je suis curieux, moi, de ses stats dans toute sa vie dans la Ligue nationale, ça doit être entre 0 puis 0. Écoute, moi, entre 0 puis 0. Moi, Jacob Delarose, là, moi, mon évaluation, moi, depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, là, mon évaluation de Jacob Delarose va comme suit. Donc, il faut qu'on remonte à Plekanec, parce que, tu sais, sont un peu dans le même moule, OK? Donc, Lars Eller était un Plekanec en moins talentueux. Et Jacob Delarose est un Lars Eller en moins talentueux. Ben, mais encore là, tu sais, Lars Eller... Dans le fond, c'est comme si Jacob Delarose, c'est Tomáš Plekanec de marque sans nom. C'est un peu ça, tu sais. Quand t'as le goût de manger une soupe chunky, tu vas t'acheter une chunky, tu vas pas t'acheter une sans nom. Ouais, mais encore là, tu sais, comme Lars Eller, j'ai jamais trippé ce joueur, mais il était quand même capable de faire de quoi, tu sais. On dirait qu'il utilisait pas pleinement la patinoire puis son corps pour... tu sais, il était gros, okay, mais il aurait pu en profiter plus. Delarose a le même style de jeu un peu, oui, sauf que le gars a 94 games dans Grand League et il a 11 points total. Et il y a une chose qu'on oublie de Lars Eller, mais Lars Eller, quand ça comptait, il était dans tes leaders. Mm-hmm. Cette année, Lars Eller, il a tout le temps été un money player. Cette année, d'ailleurs, ça va très bien, encore une fois. C'est qu'on a toujours voulu une production offensive de lui, alors que c'était clairement pas son rôle. En tant que troisième centre, à la place de Plekanec, exemple, ça de même, là, fait très bien la job pour une fraction du salaire. Ouais, mais en plus, il y a une autre affaire. Là, Lars Eller, là, je dis bien beau qu'on chiale là-dessus, là, il était constant. Oh, ouais. Sa moyenne de points, c'était entre 25 et 30. T'sais. C'était ça. C'était comme tu dis, un troisième centre, tu le mets dans la bonne chaise, tu n'en demandes pas plus. Cette année, il s'enligne pour probablement sa meilleure saison en carrière. C'est l'évaluation, encore une fois, qui fait totalement défaut à Montréal depuis je ne sais pas quelle année. Je proclame encore le changement de mentalité. non, mais pour vrai... Tu le souhaites, en fait. Ouais, c'est ça. Mais... tu sais, moi, là, en ce moment-là, je serais déjà à faire fuck off, statu quo, parce que ça n'entend pas que Bergevin scrape la baraque. Ça serait genre échange tes affaires contre des choix mais rien d'autre là. Puis on va attendre que quelqu'un moi en ce que je ferais entrer quelqu'un d'autre direct avant la date limite là, ce qui arrivera pas malheureusement, puis je ferais comme bon let's go man, carte blanche mais rebâtis-moi ça sur de bonnes bases, puis tu sais quelqu'un qui connaît la game, qui a un bon réseau de contact parce que malheureusement c'est ça, puis que je sais pas, qui change la mentalité. Je suis tanné du jeu canadien. Moi, on dit que je suis tanné. Ouais. Pour le sac le feu dedans et réclame mon assurance. Ouais, fais compte de fois que tu le dis. J'aime beaucoup cette expression. Hey, je suis en train de fouiller, là, parce qu'on parlait de face-off tantôt. Là, pis sur le site de la Ligue nationale, ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir les reports par rapport au face-off et les face-off selon les zones. Fait que là, je m'amuse, là, je mets des petits paramètres. Là. Parmi les joueurs qui ont, chez le Canadien, participé à plus de 50 mises au jeu cette saison, parce que je voulais pouvoir inclure Galchenyuk, t'as 7 joueurs, Plekanec, Drouin, Dano, Shaw, Hudon, Gallagher, Galchenyuk, dans l'ordre croissant, là, au décroissant, pour ce qui est du nombre de mises en jeu auxquelles ils ont participé. T'as 3 joueurs qui sont au-dessus de 50%. Shaw à 54,7, Plekanec à 52,9, et Dano à 52,7. OK? Là-dessus, tu as Galchenyuk qui est à 47 et Drouin qui est le dernier à 41,1. On s'entend, hein? C'est pas très élevé. Et là, par zone, vous allez voir, il y a des affaires quand même intéressantes. OK? Pour les mises en jeu remportées, là, en pourcentage en zone offensive, on retrouve Andrew Shaw, Dano, Hudon, Gallagher qui sont au-dessus de 50%. Et donc, Plekanec, notre champion des mises au jeu, ne s'y retrouve pas. Il est cinquième. Il est en bas de 50%. Donc là où est-ce que c'est payant offensivement de remporter des mises au jeu, il ne remporte pas. Et Galchenyuk et Drouin sont les deux derniers dans ces conditions-là. En zone neutre, ce qui veut dire après un but, là, pour moi, ça importe très très peu. Là. En zone défensive, les gains au face-off. T'as 3 joueurs qui sont dans le plus, qui sont plus que 50%, Plekanec, Dano et Gallagher. Mets ces joueurs-là dans les face-off défensifs, puis mets ceux qui gagnent en face-off offensif, mets ceux-là. C'est pas grave de pas gagner le face-off en zone offensive. Si tu récupères la rondelle par après, c'est pas plus grave, là. Ben, t'as plus de temps de la reprendre, dans le fond. Ben, c'est ça. Il y a moins de risques que ce face-off-là perdu te cause du tort. Donc, ce que ça m'amène là, comme réflexion, c'est que Galchenyuk, on peut bien dire que c'est pas un vrai joueur de centre. Puis, regarde, si on se prend juste avec ces paramètres-là, Drouin non plus. OK? Mais, overall, on dit que Galchenyuk n'en est pas un, puis Drouin en est. Il est en voie de s'améliorer. Mais pas tant que ça. Laisse-les au centre. Fais juste pas leur faire des mises au jeu en zone défensive. Tadam! Solution trouvée! Ben, c'est supposé être ça, anyway, là. Tu sais, dans le fond, c'est que probablement que les seules mises au jeu qu'ils ont pris en zone défensive, c'est soit après des dégagements refusés. Ou que l'arbitre a fait changer de joueur de centre pour la mise au jeu, des choses comme ça, là. Oui, c'est ce qui expliquerait pourquoi que Gallagher est là. Tu sais, parce que Gallagher, c'est que ça, dans le fond, là, parce qu'il joue jamais au centre. Il est juste là pour prendre le face-off quand le joueur de centre se fait enlever. Mm-hmm. Puis, en termes de nombre de face-off faits en zone offensive, Drouin et Shaw sont les deux leaders avec plus de 100 mises en jeu dans cette situation-là. Et en zone défensive, pour le nombre de face-off participés, ben là, tu retrouves Plekanec et Dano. Plekanec en a plus de 200, alors que Dano en a 117 au deuxième rang. Fait que, pour moi, il n'y a pas de problème à faire jouer des joueurs qui ne gagnent pas des mises en jeu si tu es positionné à la bonne place, hein? Puis dans les bons timings. Hein? Je vois pas pourquoi que ce paramètre-là, l'année que Galchenyuk était au centre, c'était donc écoute, la patente la plus importante au monde pour expliquer que tu es bon ou non à la position de centre. Je comprends pas. C'est qui a apporté ça? Mais c'est les médias. Ouais, mais c'est qui dans les médias? C'est Gaston. Ouais. C'est ça, je me disais, j'ai vraiment un feeling que c'est Gaston Therrien avec son écran là, qui gagne pas les mises en jeu. Je ne sais pas si c'est lui exactement, mais écoute, ça ressemble à. C'est du Gaston, ça, là. C'est du Gaston. Ben, en fait, c'est du Claude Julien. Moi, j'ai entendu Claude Julien l'an dernier dire que Galchenyuk a de la misère avec les mises en jeu, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser au centre. Aussi. Donc, c'est de là que ça part. Ouais. Oh, mais même dans le temps de Therrien, on entendait parler de ça. Hein. Oui, ouais, mais encore là, Dumb and Dumber. Ouais. C'est pas très glorieux, notre affaire. Cette semaine, il y a deux trucs qui ont circulé par rapport à des rumeurs de transactions. Une qui est dans le passé et une qui est dans le présent. Avec laquelle vous voulez que je commence? Dans le passé. Dans le passé? OK. Rumeur de transaction, Chris Nichols de ESPN et Sportsnet nous rapporte que la formation des Canucks de Vancouver à l'été, là, au repêchage où est-ce que Subban a été échangé pour Shea Weber, avait déposé une offre de transaction pour piquer Subban. Je vais vous décortiquer là, qu'est-ce qui s'est passé grosso modo si cette déclaration-là est vraie. En quatre étapes, qu'est-ce qui s'est passé? Okay? Première étape, les Rangers de New York veulent Clayton Keller. Ils font une offre aux Oilers d'Edmonton pour le quatrième choix. Clayton Keller, à ce moment-là, est toujours disponible, mais étape numéro 2, c'est que la formation des Oilers, elle, a sans contrebas les couilles de Pierre-Luc Dubois. Mais Pierre-Luc Dubois, Jesse Puljujärvi ne sort pas au troisième rang par la formation des Blue Jackets de Columbus. Ils ne prennent pas Puljujärvi, ils prennent Dubois. Donc les Oilers, tout d'un coup, plus intéressés à échanger le choix parce que Dubois les intéressait pas. Fait que tant qu'à ça, vont échanger le quatrième choix aux Rangers. Et eux, ben, quand ils voient que finalement Dubois est pris, ils se ramassent avec Puljujärvi, décide d'en faire l'acquisition. Vous allez voir pourquoi que je vous parle de tout ça. Parce que à la cinquième étape, voyant que Dubois est choisi et que le Canadien espérait pouvoir le ramasser plus loin que ce rang-là, eux, ben en fait, les Canucks de Vancouver offrent une transaction, une possibilité impliquant le cinquième choix total. Le Canadien de Montréal, à ce moment-là, vise Dubois. Donc, le voyant sortir finalement au troisième rang, il n'est pas disponible, la transaction tombe à l'eau. Selon ce que Chris Nichols rapporte, la formation des Canucks aurait offert, en retour de Piqué Subban, Chris Tanev, un défenseur qui, à ce moment-là, a 26 ans, vient de connaître une saison de 4 buts, 14 passes, 18 points, moins 8. On s'entend, c'est pas un gros char, mais remplir un jersey pour la saison qui va suivre à la place de Piqué Subban. Sans l'équivalent à les performances, mais pour remplir le jersey. Inclus aussi dans le deal, Bo Horvat et le cinquième choix au total. Ce qui veut dire que le Canadien de Montréal, à ce moment-là, se serait ramassé avec Dubois, parce que c'était celui qui visait, Horvat et Tanev en retour de Piqué Subban. On ajoute à ça le fait qu'ils ont le 9e choix total qui aurait pu être Sergachev, encore une fois, comme c'était le cas dans la réalité. Admettons que le Canadien fait quand même la transaction, même si Dubois n'est pas là. À ce moment-là, tu as de disponible Keller, qui est avec l'Arizona en ce moment, Ulevi, qui est avec les Canucks, qui était finalement leur choix avec le 5e choix, et Tyson Just. Donc, en retour de Piqué Subban, le Canadien aurait pu avoir l'un de ces espoirs-là, avoir celui de son choix de repêchage, en plus de Bo Horvat. Bo Horvat qui, cette saison, a 22 points en 31 matchs, est à plus 5 et qui n'a que 22 ans. Le Canadien de Montréal, avec cette transaction-là, se ramasse avec une équipe très jeune et avec, dans le fond, à peu près l'équivalent en termes de retour de ce que les Bruins ont fait en échangeant le défenseur Hamilton qui ont échangé à Edmonton. Donc, À Calgary. C'est ça? Oui. C'était à Calgary. Donc, une reconstruction-ish hyper rapide avec une masse de talent qui est pas mal plus importante. Aujourd'hui, à la place, le Canadien se ramasse avec un pour un, une transaction Subban contre Weber et ensuite, avec le choix de Sergachev, est allé échanger pour Drouin. Ma question est donc, Drouin, Weber ou Dubois ou Keller ou Ulevi ou Just plus Sergachev plus Horvat plus Tanev? Qu'est-ce que vous choisissez? Moi, j'aime mieux l'offre de Vancouver. Là. Parce que tu te rajeunis, t'as plus de choix, t'as plus de... Puis Boisvert, c'est un centre, là, ce qui nous manque. Oui. Et Keller joue à l'aile, mais peut jouer au centre aussi. Et cette année, c'est en ligne vers la recrue de l'année. Moi, je vois quelque chose. Je vois deux fois dans cette possibilité-là de transaction. En fait, dans ce qui est arrivé dans la vraie vie... Et dans la proposition de transaction, je vois deux fois un élément, un facteur, un truc qui a fait pencher la balance. Un Québécois. Le fucking Québécois. Ouais. Pierre-Luc Dubois, cette année, n'est pas meilleur que Clayton Keller. Ne sera pas meilleur en carrière que Tyson Just. Ne sera pas meilleur ou équivalent, je vais laisser un flou, là, que Sergachev. Pierre-Luc Dubois, c'est un top 9, pas plus. Là. Mais Pierre-Luc Dubois, plus disponible, on annule le deal, qui aurait été super intéressant. À l'inverse, on fait la transaction Subban-Weber. Et de l'autre côté, dans la réalité, on échange qui contre Sergachev? Drouin. Pour remplir le poste de centre qu'on aurait pu acquérir dans ce repêchage-là en Bo Horvat. Mais on essaye Drouin, qui n'est pas un joueur de centre, en se disant « Ah, ben écoute, ça va à peine, c'est un Québécois. » Ouais. Tanné en trois petits points. Mais tu sais, moi, là, j'ai vu cette affaire-là passer, là. Puis, avant d'en débattre, là, moi, je dois vous dire que j'y crois zéro puis une barre. Parce que, expliquez-moi la logique que les Canucks, dans la situation où ils sont, auraient fait ce move-là. Je crois pas à ça 0-0-0. Moi, je crois plus aux rumeurs qu'il y avait eu à l'époque avec les Oilers. Qui aurait impliqué Hall et un swap de premier choix. Puis que là, Pierre-Luc Dubois plus disponible, ça tombe à l'eau. Je trouve que ça fait plus de sens comme ça que l'offre de Vancouver. Je m'explique mal comment Vancouver aurait fait cette offre-là. Dans où est-ce qu'il était dans le. Et puis, oui, je sais que Subban est jeune et tout, mais c'est. Il me semble que ça ne fitait pas dans le plan de Vancouver. C'est pour ça que moi, j'ai plus ou moins embarqué dans cette histoire de rumeurs. Ben, je te dirais que. Oui, je comprends là comment est-ce que les choses sont, tu sais, 2 ans plus tard. Mais rappelle-toi au moment de la situation, là. La formation des Canucks de Vancouver a encore peut-être l'espoir de ne pas passer par la case reconstruction. À ce moment-là, un Piqué Subban qui a 26, 27 ans à ce moment-là, même 25 presque, devient quelque chose de quand même intéressant. T'as un défenseur qui a gagné le Norris, qui t'amène du star power, qui t'amène, tu sais, tout ce qui vient avec son statut de vedette, qui vient changer le visage de ta défensive et que tu es sûr des performances qu'il va avoir. Bo Horvat, au moment de cette proposition-là, il y a 2 ans, c'est moins 30 son différentiel. Après une saison de 40 points. Le problème, c'est pas tant l'offensive que la défensive. Et le choix, ouais, il va peut-être être bon. Oui, il est très haut, le choix, mais t'as pas de garantie. Subban, t'es garanti de ce qu'il va t'offrir comme performance. Il est dans le show. Pas le pic, là. Dans le fond, on échange 2 points d'interrogation versus une garantie. Parce que Tanev, on s'entend que c'est un complément. C'était le doute pour remplir un jersey, là. Fait que moi, je le comprends du côté des Canucks. Si cette transaction-là fonctionne pour eux autres, ils sont peut-être à relancer pour 3-4 ans à retarder l'inévitable, tant qu'à moi, puis je pense que toi aussi, tu le vois, Sylvain, l'inévitable qu'une reconstruction va être nécessaire. Pour moi, ça fait quand même du sens. Ouais, mais peu importe comment qu'on revire la situation, on va dire que cette offre-là a existé, puis que celle des Oilers a existé aussi. Ça prouve juste une chose, encore une fois, c'est le manque de vision de l'état-major du Canadien. Parce que le gars, là, tu sais, il y a 600 jeunes qui vont se faire drafter cette journée-là. Mais eux autres, ils en ont un sur leur liste. Oui. Il y en a un. Puis il parle français. Fait que c'est lui qui s'apprend, sinon à rien d'autre. Ben c'est pour ça que moi, je considère que ça fait du sens. Le fait de mettre Dubois dans l'équation, parce qu'on le savait dans les médias, il y avait un gros push. Vous souvenez-vous, il y a 2 ans, à ce repêchage-là, comment est-ce qu'il y avait plein de médias qui... D'après moi, là, c'était presque prêcher l'évangile. Là. C'était à ce niveau-là. Ah, le Canadien, là, tu sais, s'il y a une transaction pour Subban, mais que c'est pour ramasser Dubois, le faites-vous. Moi, je me rappelle d'avoir entendu ça à la radio, là, au 91-9, là. Dubois contre Subban, le faites-vous. Je dis, mais oui, mais non, là. C'est pas parce que c'est un Québécois qui va nécessairement être une vedette, là. Le faites-vous. Puis là, on poussait, là. Moi, je suis convaincu que il y avait là-dedans, parce que le Canadien, on s'entend, contrôle pas mal toutes les médias, il y avait peut-être un sondage de la population. Tant qu'à échanger Subban, si c'est pour un Québécois, la pilule pourrait passer mieux. Oui, mais c'était plus dans l'optique aussi que cette transaction-là, c'était en parlant plus justement des Oilers, parce que Dubois était supposé être disponible au quatrième rang, pas au cinquième. Mais il a été pris troisième. C'est ça qui a un peu fucké toute l'histoire. Ben c'est ça. Puis, tu sais, si au cinquième, ça fit avec le pic de Vancouver, parce que le 4, probablement, tu payes un petit peu plus cher. Il est plus haut. Tu sais, de pas grand-chose, mais quand même, là. Fait que, pour moi, ça fonctionne. L'histoire est mauditement correspondante avec mon impression de la situation, là. Puis si c'est bel et bien le cas, le fait québécois, c'est à nouveau quelque chose qui va avoir nu aux Canadiens de Montréal. On va avoir dit non à une méchante belle offre pour un facteur qui est intangible. Le fait québécois, là, mesdames et messieurs, là, on va vous dire de quoi, là, le fait québécois, ça patine pas. Ça met pas de but dans le net, ça génère pas de points et ça ne gagne pas la Coupe Stanley. Les coachs les plus importants de l'histoire du Canadien de Montréal, Toe Blake et Bowman, parlaient pas un Christine mot français. Ça les a-t-il empêchés de gagner des Coupes Stanley? Pense pas, non. Carey Price, est-ce que ça vous empêche de l'aimer? Puis de le saluer, puis de l'apprécier, puis de croire que c'est le meilleur gardien de but au monde parce qu'il parle pas un mot français après 6 ans à Montréal? Non! Ça ne vous empêche pas de l'aimer. Sakou, couillez-vous quand il est revenu de son cancer. Ah, qu'on parle pas de Sakou. Vous êtes-vous levé dans le Centre Bell pour l'applaudir? Oui, il parlait pas français. Lâchez-moi avec cette notion-là. Arrêtez de voir l'anglais comme étant une nuisance. Ou l'inverse, de voir le français comme étant une bonification. Moi, j'étais assez tanné, là. Encore aujourd'hui, j'entendais, c'était l'animateur de Hors-jeu 2.0 qui disait « Tout le monde voulait une star québécoise. » Tu sais, pour parler de l'échange de Sagachev-Drouin. Non, parle pas pour moi. Tout le monde voulait un joueur québécois. Non, j'étais pas dans le lot. Inclus-moi pas. Toi, t'en voulais un. Peut-être qu'il y a bien des gens qui en voulaient, mais dis pas tout le monde. C'est pas vrai. Puis viens pas justifier que cette transaction-là est bonne parce que t'as le bonus québécois dans l'équation. Est-ce que Sergachev, cette saison-ci, a des meilleures performances que Drouin en général? Parce que là, on s'entend, là les médias là, qui sont pro-canadiens, ils vont tous vous dire que Sergachev est benché depuis 2 games. Ah! OK, là, on en parle. Mais quand il y avait des performances par-dessus la tête, on n'en parlait pas. Mais imaginez-vous, là, le Canadien de Montréal, avec les performances que Drouin a offert certains soirs, là, aurait-il pas mérité d'être LT Scratch lui aussi une fois de temps en temps? Pense que oui. C'est pas parce que la gestion du Lightning de Tampa Bay que le talent leur sort par les oreilles leur permette d'asseoir sur son cul un kid de 19 ans à ses premiers pas dans la Ligue nationale pour faire passer un message, faire en sorte que c'est tout d'un coup moins un bon joueur. Au contraire, il va n'en sortir que meilleur. Utilisez pas ça pour justifier un avantage à Drouin dans cette transaction-là. Puis surtout pas le fait français, le fait québécois. Moi, ça me pue au nez. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu sais, moi, Jonathan Drouin, moi, peu importe sa langue d'origine, là, même si Jonathan Drouin s'appelait Mike Delvecchio, là, OK? C'est un gars que tu veux avoir avec toi, c'est un gars que le talent lui sort par les oreilles. Utilise-les dans la bonne chaise. Voilà. Au moins, tant qu'on va faire un deal de marde, basé sur un paramètre de marde, puis pour un truc que t'auras pas finalement, un joueur de centre, au moins mets-la à bonne place, donne-y une chance pour avoir du succès, bâtard. C'est d'organisation de cabochon. Puis c'est de l'orgueil. Je suis convaincu que c'est de l'orgueil. Ça peut pas. Ah, c'est juste ça. Voyons donc. L'année prochaine, nouveau DG, nouveau coach. Ils le mettent au centre. Nouveau coach. Ouais, bah ouais, ça peut arriver pareil. Ils montent de l'argent sport. Imagine. Là, tu mets Gachin qu'on centre sur un trio avec un Drouin à gauche puis un autre joueur à droite là, qu'on va aller chercher je sais pas où. Là. Puis là, ils finissent avec 90 points chaque. Alors, moi, si, moi, je te revirais ça de bord, OK? Moi, je te dirais que l'année prochaine, tu vas avoir le même coach, tu vas avoir le même DG. Probablement que Galchenyuk sera plus ici. Il va faire son 80-90 points, mais ailleurs, au centre. Puis là, tout le monde va se dire, ben là, comment ça? Comment ça? Ben oui, comment ça? Ouais. Ah, c'est un petit plat de suivre le Canadien, hein? Non, c'est le fun en tabarouette, mais il faut que tu sois un petit peu, tu sais, les yeux ouverts, puis que tu te laisses pas berner par les médias à la solde du Canadien, puis que tu manges pas la poudre aux yeux que le Canadien nous sert. L'autre rumeur, parce que j'avais dit qu'il y en avait deux, une dans le passé, Subban, la rumeur pour Vancouver. La rumeur dans le présent, c'est subtilement Jean-Charles Lajoie dans son show cette semaine qui a parlé que les Blues de Saint-Louis auraient de l'intérêt envers qui? Le meilleur gardien de but au monde de l'humanité du siècle présent, passé, futur et de l'éternité, Carey Price. Y croyez-vous? Ben, attends une minute, là. Moi, j'ai pas vu ça passer. Mais c'est Jean-Charles qui en a parlé. C'est pas une rumeur que j'ai vue circuler bien, bien loin. Mais ouais. C'est sorti. Encore là, ça contient encore un Québécois. Jake Allen? C'est ouais, qui est impliqué dedans? Ben, ouais. C'est juste textuellement ce que Jean-Charles a dit. Puis il a glissé ça bien vite, puis il est pas revenu là-dessus. Okay? Les Blues auraient, et je dis bien auraient, manifesté de l'intérêt pour le Cerbère Carey Price. C'est ce qu'on a comme info. Si, écoute, tu fais cette transaction-là, ça implique nécessairement Jake Allen. Nécessairement, oui. Tu peux... aurait Carter Hutton. Ouais, mais ils voudront pas avoir les... À moins que Allen, tu l'échanges ailleurs. Mais ouais, peut-être, OK. Mais je trouve ça plus simple de voir une transaction à deux qu'à trois. C'est déjà compliqué avec le plafond salarial, faire un deal à deux. Mais un des deux goalers. Oui, c'est sûr que ça implique un des deux goalers. Je verrais plus Allen parce que le Canadien veut pas complètement reconstruire. Gang d'épais, mais en tout cas, ils veulent pas. Jake Allen, cette année, a des meilleurs stats que Carey Price. On va y revenir, d'ailleurs, les stats de Price. Probablement que les Blues, s'ils font ça, c'est juste parce que Ging, depuis plusieurs saisons, en série, sont pas capables de passer à l'autre étape et pensent peut-être que Price est le gardien de but qui peut les amener là. Même si en série, il a toujours offert des performances moindres qu'en saison régulière et que à l'époque, ils ont tenté Vanek et ça n'a pas marché non plus, qui était top goaler de la Ligue. Aparté fait, si le Canadien ramasse Jake Allen et un contrat pas mal plus petit pour des performances pas mal semblables, voire équivalentes, voire même plus, certains soirs, et un complément, et qu'on se débarrasse d'un contrat de 8 ans de 10,5 millions en même temps. Oui, je dis oui. Je mets 3-4 étampes sur le timbre, puis j'envoie la lettre au plus maudit, là. Tu payes les frais de transfert. Je paye les frais. Écoute, m'a payé FedEx. OK, on met Carey Price dans un bac, on étampe ça avec 3-4 timbres, puis on sac ça à Saint-Louis au plus maudit, là. Hey, puis, mais tu sais, moi, là-dedans, là, en toute honnêteté, là, moi, je le souhaite pour Carey. Ben, pour l'humain, oui. Il va être débarrassé de Montréal, puis tant mieux. Il va être débarrassé de Montréal, puis excuse-moi, là, mais il va avoir un club en avant de lui comme il n'y en a jamais eu à Montréal. Ça, c'est une affaire qui me fait rire, parce que t'as dit quelque chose qui me fait rire, parce que j'arrête pas d'y penser, puis à chaque fois, ça revient comme une fois ou deux fois par année, c'est « j'y souhaite ». on souhaite que Galchenyuk crisse son camp. On souhaite quasiment que Patcherdy aille performer ailleurs. On souhaite que Carey Price aille performer ailleurs. On souhaitait quasiment que Subban aille performer ailleurs. Puis regarde, il est rendu ailleurs, puis ça va vraiment bien pour lui. C'est rendu ça. Sven Andrighetto, il est rendu ailleurs, ça va bien. Écoute, on parlait de Heller tantôt. Mais vous observez pas une tangente là-dedans? Ah ouais, c'est le Canadien, le problème. Aussitôt qu'ils s'en vont ailleurs, qu'on laisse les gars respirer puis qu'on les laisse jouer. Parce que là, parlez-moi même plus des médias puis de rien. Là. Les médias sont pas fatigants, sont contrôlés par le Canadien. Non, c'est fait ça. Que c'est même plus un fait, là. OK? C'est même plus... Ça rentre même plus dans l'équation, là. OK? Pourquoi ces gars-là performent meilleur? C'est pas parce qu'ils ont plus de pression, rien. Parce qu'on les laisse jouer leur style de jeu, that's it, that's all. Voilà. Parole d'évangile selon Ryu. Et en plus, ben, tu regardes la structure financière de tout ça. La saison prochaine, la formation des Blues a 61 millions de dépensés. Puis on parle d'une projection de 75 millions, mais en réalité, ça va être plus que ça. Ça va être plus autour de 80. Donc, on parle de 18 millions disponibles. Fait que le 10,5 millions de Price embarque facilement. Tu débarques le 4.3 de Allen, ça marche encore plus. Et si tu veux, pour la fin de la saison, tu peux dealer un petit peu les chiffres pour que tu sais, ramasser un petit peu plus de salaire de Price pour que ça fonctionne dès cette année-là. Fait que comptable-wise, ça fonctionne. Tu rajoutes quoi dans l'équation? Ben écoute, il y a des joueurs quand même intéressants là, du côté des Blues. Robert Thomas, qu'on a vu avec Team Canada Junior dernièrement, ça fonctionne. Moi, je le ramasse anytime. C'est un joueur de centre en plus. T'as Samuel Blais, qui est un jeune attaquant aussi de 21 ans, qui pourrait être très intéressant. T'as Jordan Kirou, qui était aussi avec Team Canada Junior. Fait que t'as une couple de joueurs fort intéressants que tu peux ramasser qui, pour la formation des Blues, s'ils visent vraiment la coupe dans un air très, très rapproché, ça fait du sens. Est-ce que le Canadien est prêt à échanger Carey Price? Jesus Price, descendu parmi les mortels pour venir arrêter l'époque. Amen. Je ne pense pas. Imagine qu'il échange Subban, il échange Price, il échange Pacioretty. Réjean Houle vient de se faire détrôner dans le DG le plus mal aimé. L'échange de Patrick Roy, c'était de la petite bière. Ouais. Ouais, puis c'est pas la même chose, là, parce que Patrick Roy, t'avais plus le choix de l'échanger. Ouais, c'est lui ça. Qui a demandé, mais quand même, reste que Réjean Houle est détesté pour cet échange-là. Ouais. Mais en fait, je pense pas que c'est Réjean Houle qui est détesté, je pense que c'est Mario Tremblay. Ouais, c'est ça. Puis à ce temps qu'il y a des médias, c'est de moins en moins vrai, là. Je pense que les gens ont passé par-dessus. Il pourrait être détesté pour son alcool au volant, mais hein, même ça, hein, ça coule sur le dos comme la pluie sur les plumes d'un canard. On le salue d'ailleurs. Mais ça fit. Moi, si tu me donnes Allen, puis Robert Thomas, moi, j'embarque. Solid deal. Ben oui. Un fait demain matin. Ouais, mais à Saint-Louis aussi, il doit sûrement y avoir des défenseurs 4, 5, 6 qui sont surpayés que Bergevin pourrait ramasser aussi. Là. Probablement. En fait, je pense qu'ils vont vouloir ramasser Bo Bennett, 26 ans dans la Ligue américaine encore cette année, pour remplacer Morrow. Ça leur prend un ancien premier choix qui fait rien que Claude Julien va pouvoir cajoler le soir et lui chanter des petites berceuses avant le dodo. Ouais. Hey, c'est assez cochon, ça. Je sais. La date limite, c'est le 26 février. Hein? 26 février. Moi, là, je vous propose déjà, là, j'ai pas regardé quel jour ça tombe, là, mais que la veille, on se fasse un petit show. Fait que le 26 février, c'est un lundi. Ben, peut-être pas la veille, là, mais genre le jeudi ou vendredi, là, de se faire un show spécial date limite des transactions. Puis le lundi, pas le lundi d'après, mais genre la semaine d'après, le mardi ou mercredi, qu'on se fasse un bilan là, le lendemain. Pas le choix. Ben? Oui, parce que si c'est comme les dernières années, de toute façon, même si on le fait le jeudi ou ben le vendredi avant, il va déjà y avoir la majorité des bons deals vont déjà avoir été faits. C'est ça, exactement. On va avoir de la matière. Puis en espérant que le Canadien bouge dans la bonne direction. Oui, et malgré tout ça, l'expérience des 4-5 dernières années, que c'est comme ça, RDS et TVA Sports vont avoir du monde en ligne de 6 heures le matin jusqu'à 6 heures le soir. Puis il va rien se passer. Et calvaire que ces journées-là, ça doit être long. Faut-tu que tu t'en prépares des petites feuilles avec des statistiques inutiles? Ouais. Pour, hey, my God. Dont les face-off gagnés. Dont les face-off gagnés. D'ailleurs, parlant de chiffres, tu sais, j'ai dit tantôt là, que Jesus Price était pas tant le meilleur gardien au monde de ce temps-là. J'ai sorti ça aussi. Une fois de temps en temps, là, je fais des résumés de ce que j'ai observé durant le match de la veille du Canadien de Montréal. Et je me suis amusé avec les chiffres de Carey Price. Parce que là, il y a du monde là, qui commence à parler de Price puis de dire « Ouais, mais tu sais, si on exclut les 7 premiers matchs, là, Price, il n'y a pas une si mauvaise saison que ça. » Fait que, voici les chiffres. Parce que je suis anal de même. Je me suis ouvert un tableur. J'étais allé sur NHL.com. J'ai joué dans leur statomètre. Et voici les vrais chiffres selon les séquences. OK? Vous êtes prêts, les boys? Ouais. Depuis le début de la saison, Carey Price, tous les matchs inclus, moyenne de 904 d'efficacité et 3,2 de buts par match accordé. Ça lui donne sur les 30 premiers gardiens de la Ligue. Quel rang selon vous? Le 29e. Jerry? En 25-31. 23e rang. Un petit peu mieux que ce que vous pensiez. Si on retire les 7 matchs de début de saison, là, soit avant sa blessure, là, hop, tout d'un coup, sa moyenne passe de 904 à 921. Et sa moyenne de buts alloués de 3,2 à 2,54. Parce que ça, c'est ce qu'on dit, là. T'enlèves les 7 mauvais matchs avant la blessure et Price est un bon gardien. Moi, je me suis amusé. Si on peut enlever les 7 pires, on pourrait enlever ses 5 meilleurs. Si on enlève les 5 au retour de sa blessure, où est-ce qu'il a battu des clubs du tonnerre, les meilleurs de la Ligue nationale, Buffalo, Ottawa, Détroit, et Columbus. Columbus, au moins, c'est vrai que c'est un bon club. D'ailleurs, t'as fait ça comme pour le patinage artistique, finalement. Oui, j'ai éliminé le meilleur et le pire. Question d'avoir un vrai visage. Ben, les chiffres de Price, 904 d'efficacité. Oh, il revient à son global de la saison. Il y a une petite récurrence, là. Et sa moyenne de but par match, 3,10. C'est encore pire que sa saison globale. Fait que ça veut dire qu'il n'a pas amélioré son sort, là. Ça va pas tellement mieux. Dans ces chiffres-là, Price, encore une fois, se retrouve autour de la 25e position. Imaginez-vous. Ouais, mais t'as-tu enlevé tous les meilleurs matchs de des 30 premiers gardiens? Ça? Non, j'ai pas fait ça. J'aurais dû. C'est ça. Tant qu'à jouer avec les chiffres du JB, tu sais. Ben oui, je sais. C'est ça. Là, on rentre dans. On peut manipuler les chiffres comme on veut. On peut leur faire dire ce qu'ils veulent. Oui, je sais. Puis tu sais, ça, on a eu des débats souvent là-dessus. Même si je ne suis pas un fan du Canadien, je suis un fan de Carey Price. Mais moi, la question que je me pose et que je pose à tout le monde, là, vous pourrez aller répondre sur la page de la POC. Piqué est parti. Si Carey s'en va, vous allez chier sa tête à qui? C'est une excellente question. Bon, si on n'enlève pas de match à personne, comme je vous ai dit, Carey Price, 23e sur les 30 premiers gardiens de la Ligue. Et là, on parle ici d'un gardien de but qui va avoir une augmentation de salaire de 40%. Ouais, mais son équipe est située où? Ben là, on peut pas exclure le gardien de but. Au classement général? On peut pas exclure le gardien de but de l'équation dans les performances de l'équipe. C'est sûr. Mais est-ce que les performances du gardien peuvent être influencées par l'équipe qui joue en avant de lui? Tout à fait. Tu sais, si le Canadien était dans le top 10 de la Ligue et que malgré ça, Carey avait des stats qui se retrouvent au 23e rang, là, tu fais comme, OK, ouais, le Canadien serait encore meilleur sans Carey Price. Mais moi, je te ferais l'exercice inverse. Prends les 30 premiers gardiens, mets-les dans la situation de Carey, puis il y en a combien qui auraient des meilleurs stats que lui? Pas tant que ça. On est d'accord. Ça, là-dessus, pour moi, il n'y a pas de débat. Je pense que Price demeure quand même dans les très bons gardiens de la Ligue. Est-il encore le meilleur? Ça, c'est place à interprétation. Là où est-ce qu'on se rejoint aussi, et que je pense que c'est ça la vraie situation, c'est si tu enlèves Price de l'équation, où est-ce que le Canadien se retrouve? Et là, même cette année, il est là, puis voyez où est-ce qu'il se retrouve. Le vrai problème, c'est l'ensemble de la formation. Tu sais, j'aime beaucoup Jonathan Quick, mais interchange les clubs et je pense que Price a à peu près les mêmes performances. Et Quick aura à peu près les mêmes chiffres que Price cette saison avec le Canadien. J'aime beaucoup Vasilevski. Échange-les de club. Puis je pense que les chiffres se comparent et vice-versa. Là, d'une place à l'autre, les chiffres reviennent pas mal aux mêmes. Le vrai problème du Canadien, c'est pas Price. On s'entend là-dessus. Là. Merveilleux. C'est tout ce que je voulais que tu me dises. Mais bâtard! Augmenter de 40% le salaire d'un gardien de but quand il affiche de tels chiffres, c'est dur à justifier. Surtout que ce 40%-là supplémentaire, c'est de l'argent que tu peux investir sur les autres joueurs de l'équipe pour améliorer le club. Mais c'est, non, c'est là mon problème. Cette discussion-là, souvent, oui. Puis je le sais, mais dans... Et je parle pas juste du hockey. Dans le monde du sport, tu récoltes le contrat pour ce que tu as accompli dans le passé. Parce qu'il y a personne qui va dans le futur. Donc, tu vas être payé selon ce que tu as accompli à la date où tu vas signer ton contrat. Oui, ça, c'est de la merde. Ben non, c'est pas de la merde. C'est de même que ça fonctionne. Ben, merde de gars, même, mais enlève les contrats garantis, puis j'ai aucun problème. C'est ça. Ben ça, c'est une autre histoire. Ça, moi, je suis d'accord avec ça à 150%, là. Si on regarde justement, tu sais, dans la NFL, t'as pas de contrat garanti. Mais regarde qu'est-ce qui se passe, par exemple. Le gars, les superstars vont signer des contrats de 75, 80 puis 100 millions, mais ils ont un bonus de signature de 50 ou 60 millions. Fait que non, ton contrat n'est pas garanti. Mais si tu décides qu'au bout de 2 ans, tu te pognes le cul, t'as quand même fait 70 de tes 100 millions, tu sais. Oui, on s'entend. Tu sais, pour les vedettes, on s'entend que ça revient pas mal au même, là. T'sais, d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois des contrats où est-ce que les années où est-ce que la convention collective se re-signe, qu'il y a des négociations qui vont être ouvertes, les gars se prennent des salaires qui sont garantis. Tu sais, que l'année est quasiment vide en salaire durant la saison. C'est tout en bonus de signature. On le voit, là, j'en ai déjà parlé sur le show, comment est-ce que les joueurs aménagent leurs contrats. Toutes les vedettes ont fait ça, là. Fait que, oui, puis c'est tout à fait normal. Là. Ouais. J'avais-tu d'autres choses? Oui, je voulais parler. Les codes d'écoute. Le Canadien de Montréal, ça a fait beaucoup de jaser, ça. Les codes d'écoute, on parle de baisse là, qui sont quand même assez vertigineuses là, dans le cas du Canadien de Montréal puis les diffuseurs officiels. C'est des baisses autour de 18 à 19% là, de l'auditoire. C'est quand même intense. Là. Les amateurs à Montréal, question de même, là, tant qu'à parler du sujet, est-ce que les amateurs sont des fans du Canadien de Montréal ou ce sont des fans de la victoire? Très bonne question. Mais le fan moyen, ça va être la victoire. Ben, les gens de Montréal, point. C'est comme ça, tu sais. Si on recule à 3-4 ans en arrière, tout le monde disait « Ah, les fans de Montréal aiment le football. Regardez comment les Alouettes, c'est sold out à tous les matchs. » Les Alouettes ont 2-3 saisons de schnout, puis c'est plus sold out. Là, « Ah, regardez comment que ça va bien avec le Canadien. C'est sold out. Ça fait 128 ans qu'on est sold out, tu sais. Puis ça va bien. Puis mais là, whoops, là... Ça va pas bien depuis 2 ou 3 ans. On continue de nous dire que c'est sold out, sauf qu'on est tous capables de voir qu'il y a ben des sièges vides. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est les fantômes du forum qui viennent voir les matchs. Ouais, probablement, là, mais. C'est une belle explication marketing. Ouais, c'est ça. Mais probablement que s'il y a quelqu'un de l'état-major du Canadien qui nous écoute, probablement qu'ils vont te la sortir à un moment donné. C'est clair. Ils vont faire comme Chris, on n'avait jamais pensé à ça. Maudite bonne idée. Ouais. Puis, mais, tu sais, moi, je vais aller plus loin que ça. Est-ce que les fans du Canadien de Montréal sont des fans du Canadien ou des amateurs de hockey? Ouais, ben, en fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que la majorité de ce monde-là, tu leur parles de fais juste leur parler de ce qui se passe dans l'Ouest. Ils n'en ont aucune idée. Oh ouais. Tu sais, ils savent ce qui touche aux Canadiens, ça, ils savent parce que t'es bombardé. Gars, moi, je fais l'exercice. Je regarde plus les matchs du Canadien. Mais malgré tout ça, je suis capable de te donner les scores des 3-4 dernières games, puis qui a marqué, puis tout. Pourquoi? Parce que je le vois passer sur mon fil Facebook, sur Twitter, partout dans les médias. Tu sais, tu ne peux pas t'en sauver. Mais est-ce qu'on entend beaucoup parler de ce qui se fait ailleurs? Pas vraiment. Non. Ben, tu sais, comme on a souvent déjà dit, tu sais, je faisais de la blague, c'est comme les rumeurs, là, c'est comme les routes, elles mènent toutes à Montréal. C'est le centre de l'univers. Toutes les rumeurs touchent le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Pourquoi? Ben parce que les rumeurs font vendre des clics, font vendre des journaux, font vendre du web, font vivre les médias. Et c'est où qu'il y a le plus de médias? Ben à Montréal, à Toronto, tu sais, c'est ça. C'est le nombrilisme à côté, là. Ah oui, c'est tout à fait ça. Mm. Fait que c'est, moi, ça me surprend pas. C'est les baisses de cote d'écoute, zéro surpris. Ben, zéro surpris en plus, parce que, tu sais, si... Puis tu sais, ça, je peux pas blâmer le monde de Montréal en ce moment, parce que, tu sais, si ton équipe perd, mais que tu vois que les gars se donnent, puis que, tu sais, que... C'est juste que le talent n'est pas nécessairement là, mais tu sais, c'est excitant quand même de regarder les matchs puis tout. Tu vas les regarder. Mais en ce moment, tu sais qu'il y a zéro enjeu. Ben, en plus, c'est plate, là. Oh, et le divertissement n'est pas là. Les périodes que j'ai regardées, ah, c'est dégueulasse, là. C'est vraiment dégueulasse, tu sais. Puis depuis que je suis plus le Canadien, j'ai toujours suivi beaucoup ce qui se passait ailleurs. Mais là, je regarde beaucoup plus de matchs ailleurs, dont beaucoup plus de matchs de l'Ouest, justement, vu que je prends pour les Oilers. Puis, mon Dieu, que... Écoute, quand je regarde un match du Canadien, on dirait que je regarde une vieille game. Non, mais c'est vrai, ça existe plus. Ça existe plus, tu sais. Petit Claude, il faudrait qu'il allume là, que le hockey a changé depuis 2003. Ça ne joue plus de la même façon. Son système, il fonctionnait quand que l'accrochage était toléré. Mais ça ne fonctionne plus. Il faudrait que quelqu'un l'allume à un moment donné. Mm-hmm. Puis je regardais dernièrement un match Toronto contre le Colorado. Et ça patinait. Ça allait vite. Hey, ça patine en chien, c'est, ça, là. C'est deux clubs très jeunes. J'étais au Centre Bell lors de la visite des Oilers d'Edmonton. Gros, rapide, beaucoup de finesse, beaucoup de jeu. Tu vois pas ça, là. C'est dump and chase, puis c'est des garbage goals avec le Canadien de Montréal. Peu de jeu où est-ce que tu dis, wow, OK, ça prend du talent pour être capable de la mettre dedans de cette façon-là. Très peu, très peu. Ouais, ouais. Oui, c'est exactement ça. Écoute, puis c'est ça que Piquet-Souban faisait, puis c'est ça que Jonathan Drouin et Alex Galchenyuk pourraient faire si tu les laisses jouer. C'est des gars là, que quand ils montent avec la rondelle, là, ben automatiquement, tu es sur le bout de ton siège. Parce que tu te dis, il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi? Ça va peut-être être une gaffe monumentale, mais il va se passer de quoi, tu sais? Ouais, tandis que... Le média montréalais bâche. Tu sais, ils n'arrêtent pas d'achaler les joueurs de « Ah, fais ci, fais ça », puis tu vois, ça, c'est pas correct qu'à un moment donné, le fan qui écoute RDS et TVA Sport se dise « Hey, c'est beau, mais ah, c'est, ouais, mais c'est pas si beau que ça, tu sais, il scrappe le jeu, le Canadien ne score pas, puis tu sais, Subban, là, c'est ça qu'on aimait de lui, puis... C'est ça qu'on haïssait de lui, d'un sens. Je parle vraiment de ça de moi. Et moi, qu'il fasse des erreurs, je m'en foutais. Là. Toi, tu t'en foutais, puis je vais aussi s'en foutais. Sauf qu'en général, il se fait comme envoyer l'information du média traditionnel qui dit que c'est pas bien faire ça. T'sais, parce que, regarde, avec Galchenyuk, c'est les mises en jeu. Puis il nous rentre ça dans la gueule en poussant bien profond pour que ça rentre. T'sais. Subban, c'était quoi? C'était les fameux revirements, mais on en parle zéro pour Eric Carson, tu sais. C'est tout le temps comme ça. Le Jonathan Drouin, là, oh, on parle pas du face-off, mais on va trouver de quoi dans pas long, là, parce que ça marche pas, tu sais. C'est tout le temps comme ça, puis c'est frustrant. On dirait que on veut des bons joueurs, mais quand on les a, on veut les garocher dehors parce qu'on est tanné de le petit côté négatif qu'ils peuvent apporter, même si c'est 10% de leur jeu, tu sais. Oh oui, oh oui. Là, pareil comme là, moi, je me demande, là, ça va prendre combien de temps encore avant que Deslauriers se fasse avertir qu'il célèbre trop? Oui, ah, ça, c'est une baffe. Tu sais, parce que Galchenyuk s'est fait avertir. Oui, il a embrassé son jersey. Il y a 2 ans. Oui, oui, tu sais. Hey, là, wow! Il prenait le logo du club, puis tu sais, il célébrait avec le logo du club. Il pointait pas son nom en arrière ou rien, là. Non, non, c'est comme, hey, je suis content, j'ai scoré pour ce club-là, là. Mais ça, c'est pas bon. Non. Fait que je me demande dans combien de temps que le « on ouvre les guillemets, capitaine, on ferme les guillemets, va avertir Deslauriers. » Ouais, mais en même temps, ils sont tellement mal placés pour chialer. Deslauriers en fait un score plus que plein d'autres en ce moment. Ben, c'est ça qui arrive. On voit trop souvent sa célébration. Ben, on s'en sac. Ouais, mais Galchenyuk, quand il s'était fait avertir, c'était son année de ses 30 buts. Ouais, c'est ça. On le voyait trop. En tout cas... Puis, tu sais, le triple low five, le Canadien gagnait aussi. Là. C'était à faute de la victoire. Moins de victoire, hey, moins de triple low five. C'était tellement beau, ça, triple low five. Ah, j'adorais ça. Puis, tu sais, la Ligue nationale avait mis ça dans ses promos. Le Canadien, l'équipe marketing avait mis ça dans ses promos. Mais le coaching staff, non, ça, non, c'est trop individualiste. Ah, OK, peignez-vous sur le côté, allez à la messe, petite prière avant de vous coucher. Puis, c'est ça, 8 heures dans le lit. D'ailleurs, c'est pas mal ça que le Canadien. Passer à la deuxième, là, c'est plus tough. Ils sont dans le lit d'habitude à cette heure-là. Je t'en ai. Le Canadien de Montréal, c'est TVA Sport qui faisait un petit article là-dessus. En fait, un article. Ils ont pris le classement de la centrale, puis ils ont accolé les clubs avec l'ordre qui sont au classement. Big deal. Fait qu'on va en parler. Les Coyotes de l'Arizona ramasseraient Dallin. Les Sabres de Buffalo en ramasseraient Chevnikov. Ottawa, Brady Tkachuk, donc le frère de Matthew Tkachuk qui est avec Calgary en ce moment. Philippe Zadina avec les Canucks de Vancouver et le Canadien se ramasserait avec Quinn Hughes, qui est un jeune défenseur qui joue avec l'Université du Michigan. Et qui est un défenseur de 5 pieds 9 pouces. J'ai sorti sa fiche cette saison dans le junior avec son club. On parle de 1 but, 13 passes, 14 points en 21 matchs et un différentiel de plus 10. Donc voilà. Signé tout de suite 10 ans, 260 millions. Vas-y Marc, t'es capable. Mais moi je trouve ça cool parce qu'on a déjà un joueur exactement dans ce moule-là qu'on a repêché en 5e ronde et qui joue avec le Canadien en ce moment qui s'appelle Victor Mété. Ça fit tellement pas là. C'est tellement le pire rang là, dans le top 5, c'est le pire choix là. Je suis vraiment pas convaincu là. N'importe lequel des 4 premiers, je suis capable de vivre avec et avec grosse préférence pour Dallin, on s'entend. Là. Mais les 3 autres, Chevnikov, Tkachuk et Zadina, je suis down avec ça, mais Hughes, Le pire, c'est que ça me fait capoter parce que 5 pieds 9. J'ai grince des dents. 5 pieds 9. Ouais. 5 pieds 9. Yeah. Peux-tu leur dire encore une fois? 5 pieds 9. En fait, je suis sûr qu'ils vont dire 5 pieds 9, mais qu'ils vont nous ramener. Ouais, mais Francis Bouillon! Ah. Oui, mais Francis, ouais, c'est ça. En tout cas. Ouais, mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai toujours dit que je préfère un petit joueur qui joue gros qu'un gros joueur qui joue petit. Ouais, mais c'est le pire fit. Tu sais, on a déjà. Écoute, on se fera pas une brigade de 2 gars avec des 5 et 9, là. Non, non, mais ça, c'est sûr et certain, mais gars, anyway. En tout cas. Là, je peux-tu péter une coche là, sur les partisans? Je l'ai déjà fait. Vas-y. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans. Là, le monde là, qui crie des oyé oyé au Centre Bell quand le Canadien gagne, là, garde-toi une gêne. Sois de bonne humeur, j'en conviens, c'est le fun de te payer ton billet, mais ne nargue pas aucune autre équipe de la Ligue. Come on! T'es pas en position de le faire. Non, non, non, hey, goodbye. Hey, calme-toi. Si au moins c'était le nanana et hey, goodbye. Moi, je vais en péter une coche, là. Ben, asti de olé, olé, olé. Ouais, là. C'est ça. Asti que jaillit ce chant-là depuis que c'est sorti. Oh, ouais, c'est un ouais, chant ouais, de ouais. Soccer. Oh, ouais. Sacrez-nous patience avec ça. Ça a toujours été le nanana et hey, goodbye. Ouais. Asti. Le olé, olé, là, non. C'est non. Puis en plus, moi, ce qui me fait capoter, c'est que si t'es un vrai fan du Canadien de Montréal en ce moment, la pire affaire que tu peux souhaiter pour le club, c'est des victoires. Pourquoi tu célèbres? Ne célèbre pas! Oui, je comprends, tu vas avoir un show. La défaite de 6-5 contre les Hurricanes de la Caroline, hey, c'est le fun, c'était divertissant. Là, il y avait un spectacle, mais la défaite dans ce cas-là, go! C'est parfait! Les médias lâchez-moi avec les victoires, on n'en veut pas! Puis tu sais, quand la game est finie puis qu'il cale les trois étoiles, là, quand c'est un joueur adverse, là, la game est finie, ça te donne quoi de le huer? Ben oui, c'est ça. Chaque gars que tu hues, tu l'éloignes sur le marché des joueurs autonomes destinés avec Montréal. Alors, tu leur prouves juste que t'es un cabochon. Ben voilà. Point à la ligne. Moi, je comprends pas, là. En date du 26 janvier 2018, comment est-ce que tu peux... dans les médias, chez les partisans, souhaiter des victoires du Canadien de Montréal. En ce moment, le club est éliminé. Ouais, mais c'est parce qu'ils comprennent pas le fait qu'il faut pas qu'on répète Ottawa de Andrew Hammond l'année de McDavid. Là. C'est ça qu'il faut pas qu'il arrive. Notre chum Chris Pellerin, à tous les fois, je le nargue avec ça. Cette semaine, il fait un statut, il dit « Ouais, chaque défaite nous rapproche de Dallin. » Fait moi, je t'allais écrire « Ouais, tu disais pas ça l'année d'Humbergler. » C'est-tu que tu lâches pas le morceau? Ah, mais c'est vrai, la grosseur du gros lot valait la peine de sacrifier une saison, surtout pour un cabochon comme Humbergler. Échange-les. Tu vois qu'il y a trade-moi ça right fucking now. Garde pas ça dans ton club. Tu sais, là, en plus, la simulation nous donne cinquième. Là. Mais ouais. Logiquement, il faut en perdre le plus possible pour se rapprocher d'un top 3. Oui, le Canadien a 1,2% de chance de faire les playoffs. Chaque victoire est une défaite. Vous avez beau parler de pourcentage, là. 1,2%. Tout le monde le sait très bien. Les Oilers vont gagner. Qui vont se ramasser avec. Ouais, ouais. Mais non, non, ben en fait, peu importe. Je veux dire, Rasmus Dahlin, oui, ok, c'est le numéro 1, c'est le parfait, puis tout. Là. Mais reste que quand même, dans le top 3, top 4, tu peux quand même avoir de quoi de bon. Je veux dire, Shevchenkov, lui, je me sens enfargé dans ses voyelles. pourrait être un très bon choix. Reste que c'est un attaquant. Tu sais, je le connais pas à 100%. Je sais même pas si c'est un centre. C'est un centre. Bon, ben, ça serait parfait là. Si, en plus, il est gros. Puis tout. Ben, je pense qu'il est gros. Il marque rien, en fait. C'est non, mais mauvais. Je les connais pas beaucoup, les gens. Non, mais pour vrai, il marque son nom. Un attaquant niveau élite. Un recruteur a dit qu'il est déjà prêt pour l'année. Oui, mais on veut des grosseurs. On veut autre chose. Mais un vidéo fait quelque chose. Eh non, écoute, ils ont fait un copier-coller puis ils ont mixé deux affaires copier-coller. Là. Demande-le-en pas trop là, à TVA Sport. Tu sais, après ça, symptomatique des médias montréalais, moi, tu sais, je call-out tout le temps Gaston. Là, parce que je trouve qu'il est symptomatique puis il représente bien. Mais cet article-là, c'est de la merde, là. Voyons, ben, c'est vide. Le sixième pick, t'as le nom, la position, puis le club qui joue. Come on! Mets-moi un minimum de description, c'est quoi ça? Parce qu'il y a une vidéo, ça se trouve sur YouTube des vidéos, là, converse-les, puis mets-les dans ton propre lecteur. On s'en fout, mais mets quelque chose. Ouais, mais c'est parce que celui qui a écrit cet article-là, fallait qu'il fasse ça vite, sur un coin de table, parce qu'après, fallait qu'il aille faire un article sur une des personnes qui va passer à la voix pour expliquer que sa grand-mère a eu le cancer. Pis, c'est ça. C'est le doute qui fait question de priorité. Là, ben oui. Tu sais, Jerry, maudit que tu comprends pas. Ça doit être ça. Mais reste que, tu sais, comme Brady Kachuk, moi, s'il a moindrement le même style que son frère... Ça a l'air qu'il a plus de skill. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Oui, effectivement, j'ai été le voir. Mais il a quand même 6 pieds 3. Hey, ça, là, je sais pas si c'est un centre non plus. Parce qu'il J'espère qu'il a une meilleure tête que son cabochon de frère, par exemple. Hey, écœure pas Mathieu Kachuk. Il est moins pire que Brad Marchand. Jaune. Il est moins pire que Brad Marchand. Hey, il est dans le même moule. Non. Il est dans le même boule, sauf qu'il n'est pas capable de scorer 40 buts dans une année. Ça ne change rien. Brad Marchand, c'est une merde. Bref, on passe au prochain appel. Drew Doughty disait que Kachuk était le joueur le plus détesté de la Ligue nationale. Oui, j'ai vu ça passer cette semaine. Moi, j'aime Mathieu Kachuk. Mais oui, okay, je sais qu'il est jaune un peu des fois, mais quand même. Écoute, sur Elite Prospect, on dit... ça, c'est ISS Hockey qu'on cite. Là. Big body and isn't afraid to use it. Play all 200 feet of the rink and loves those dirty areas. Fait que c'est ça. Il aime ça aller dans les places sales. Hey, c'est copié-collé avec la description qu'on se faisait de Michael McCarron. Exactement. Même affaire. Ouais, mais encore, quand même. Michael McCarron. Ah, ce flop. Ouais, ben oui, mais je vais vous remettre sur la sellette en disant que tout à l'heure vous parliez de leur monter en haut puis d'y donner. Oui, ben t'as ben non, faire. Le projet il est mort là, tu sais. Mais au cas qu'on le ressusciterait là, on a quand même Jésus dans l'équipe là. Jésus pour un miracle. Hey, s'il vous plaît. Attends, tu montes Michael McCarron puis là il veut vraiment ce qu'il fait jamais en fait à chaque fois qu'on le monte. Mais quand même, je sais pas. À la limite, il va juste nous aider à perdre plus de matchs. Chris, déjà, juste ça, c'est une bonne raison de le monter. Oh, là. C'est win-win. Voilà. Il est bon, on l'échange pour quelque chose de pas pire. Il est bon. Non, mais justement, mais check bien, il y aurait des chances qu'il est tellement inutile qu'il va se mettre à se trouver un skill pour scorer des buts gagnants. Puis là, tout le monde va se dire « Hey, wow, on a quelqu'un. Vous n'aurez pas un des meilleurs choix. » Puis il va sombrer dans l'oubli à partir de l'année prochaine, comme le Hamburglar. Mais vous autres, c'est un McCarron. On avait des questions du public pour terminer le show. Puis moi, j'ai demandé au monde que pour le retour de Jerry, qu'on lui donne du love et qu'on lui pose des questions à lui. Fait que à Jerry. Attends, je pensais que c'était à tout le monde. Non, les questions c'est pour toi. Fait que Donald Chéné nous demande crois-tu que Sylvain Lefebvre va se faire remplacer un jour car il n'y a pas beaucoup de joueurs repêchés qui se sont développés dans, avec les années et qu'il est toujours là? Fait que Jerry, ta réponse. Mec Bergevin se fasse mettre dehors. C'est pour vrai, Sylvain Lefebvre va rester là jusqu'à la fin des temps si Bergevin reste là. C'est la seule réponse. Ouais. Pour vrai, c'est la seule option. Ouais, ouais. La seule affaire, c'est que c'est là. La meilleure chance, c'était de le crisser dehors au début de l'année, puis de le re-signer. Eh ouais. Fait que il va rester là jusqu'à la fin des temps. Jeff Price. Hey, parce que c'était sa chance, là. C'était sa chance, là. Le club déménageait. Tu repartais sur des nouvelles bases, nouveaux noms, nouveaux chandails, nouveau tout, le nouveau building. Tout. Tu repartais en neuf complètement. Ben non, c'est. Tu d'après ramènes moi, ton bois mort de... Parce qu'après moi, il n'y a pas beaucoup de coachs francophones qui coachent la Ligue américaine, c'est ça. Non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Benoît Groulx n'est pas là. Pascal Vincent, t'as pas. Tu sais, t'en as vraiment ça pas. Ça a été le meilleur moment de monter, mettons, Benoît Groulx, peu importe. T'as pas André Ducharme, tu sais, qui était avec Team Canada Junior. Non, c'est surtout pas accessible, ce monde-là. Voyons donc. Stéphane Galland nous demande « Que penses-tu du format du week-end des étoiles? Est-ce dépassé? Serait-il dû pour une cure de jeunesse? » Jerry, oui. Vas-y. C'est plate. J'ai même pas le goût de l'écouter, en fait, pour vrai. À part peut-être les habiletés, là, que des fois, ça m'intéresse, mais les matchs, là, j'aime pas la nouvelle formule de comme quatre équipes qui font du 3 contre 3. Ça m'énerve un peu. On en parle quasiment à chaque année, pour vrai. Puis moi, la meilleure formule, c'est un match extérieur. Tu formes des équipes S-Ouest, tu reviens à la base, puis les plus méritants, je m'en calisse que les Coyotes n'aient pas de joueurs là-bas, honnêtement. Là. Ben, au moins, meilleur. Keller avait la place. Oui, mais je veux dire, j'ai nommé le club vite de même. Mais s'il y a un joueur qui ne mérite pas d'avoir de joueur là-bas, c'est bien plate. C'est genre le Canadien. Ouais. Ben, c'est en plein ça, c'est plate à dire, mais oui. Si t'as pas mais de... la Ligue nationale ne peut pas se permettre de pas ben avoir de joueurs du Canadien. Ouais, mais peu importe, là, mais dans le sens que si un club qui en aurait mérité 5, mais que là, oups, il peut pas en envoyer 5 parce que telle raison, ben c'est plate. Tu sais, il y a des joueurs qu'on aimerait voir en fin de semaine qu'on verra pas parce qu'il y a une limite. C'est ça, exact. Oui, puis, ben, tu sais, moi, ça, je suis d'accord avec toi. Hey, mais moi, j'ai pas le droit d'y répondre à ces questions-là. Non, toi, tu fermes ta gueule. Okay. Fait que, Eduardo Ponce, il demande à Jerry, qu'est-ce que tu penses du fait que Kid Rock fera la performance au match des étoiles alors que c'est une grosse marde? Mais alors que c'est une grosse marde, c'est rajouté de mon cru, OK? OK, non, ben, pour vrai, je m'en fous pas mal. Parce que, honnêtement, quand le show joue, je zappe. Mais c'est sûr que le fait que ça soit une merde ou peu importe, là, je me fous pas mal de qui fait le show. Et en dernier lieu, il y a Sylvain Rioux, un peu inconnu, qui nous demande « Est-ce que tu scores plus dans un filet désert que Max Pacioretty ou est-ce que tu es un petit travaillant comme Gallagher? » Comment tu te qualifierais, Jerry? Moi, sur la glace, je suis plus un travaillant, en fait. Je me pète la gueule, je me suis fou la cheville en travaillant. Je parlais pas de ça à la glace, moi. Ah! Parlais pas de ça à glace, moi. On sait que c'était ta fête hier. Puis que tu as flushé parce que. Hey, je sais pas flushé, j'ai déplacé l'enregistrement. Ouais, t'as déplacé l'enregistrement. Ça a-tu valu la peine? Ouais. Ok. Okay. Bon. Moi, je veux pas qu'on aille plus loin là-dessus. Je veux que Jerry reste ami avec moi. Fait que si vous voulez. Si vous voulez en parler en dehors des ondes, pas de trop, mais moi, je veux rester ami avec Jerry. Fait que j'irai pas là. Écoute, c'est ce qui fait le tour des questions pour ton public, Jerry. Es-tu satisfait des questions? Ouais, je me suis senti un petit peu comme Gaston entre deux matchs, mais c'est correct. Écoute, je peux te dire déjà que t'étais meilleur que Gaston. Ah, merci. Dans mon cœur, t'es avant Gaston. Ah. Chris, que c'est pas un si grand compliment que ça. Ben, ça me c'est un peu ce que j'allais dire, là, mais. C'est pas une grosse gradation. Si t'es au moins avant Gaston, c'est que t'es juste pas un déchet humain, tu sais. Ouais, au moins. Au moins. Jerry, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? On est rendu là. Hein? Ben oui, ben, à un moment donné, fais un bout, là. C'est le fun. Ouais. Donc, Facebook, Jerry Godbout, si vous voulez parler de hockey, il n'y a pas de trouble. Sur Twitter, @Godbout25 aussi, pas mal là tout le temps. Sylvain, toi, nulle part encore? Ben, il y a mon Twitter, @SlyRyu. Sinon, ben, c'est ça. Là, je suis souvent sur la page de la POC aussi. Là. Yes! Et ben moi, @GangJ_B pour ce qui est de Twitter. Et JB Gagné sur Facebook, ajoutez-moi. Faites juste me dire que c'est pour jaser de hockey. Et j'accepterai avec plaisir votre demande d'amitié. Sinon, j'ai plein d'autres projets sur les interwebs. La POC, ce podcast-ci que vous écoutez. Mais aussi le magasin général avec Nicolas Thibault. Et la réalité augmentée avec mes chums Luc et Jonathan. Et parfois même Daniel qui est revenu il y a 2 semaines pour parler de films d'horreur. C'est le fun. Faisait changement. J'étais content de le revoir sur le show. Donc, ce sont mes autres projets. Pour la POC, bien entendu, nous sommes disponibles sur le web. lapoc.net, c'est notre site internet sur lequel on dépose les émissions. Il y a quelques billets de blog que j'ai fait au cours des années. Et aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux, autant sur Facebook. Nous avons notre page, la POC, mais nous avons aussi le groupe Les Poqués s'expriment, sur lequel vous pouvez lancer la discussion et où est-ce que tous les fans de la POC, tous les gens qui sont membres du groupe peuvent venir discuter. La communauté à chaque jour grandit petit à petit et on apprécie beaucoup. Et aussi, on a notre Twitter, @LaPocPodcast. Voilà, donc, merci d'avoir été du rendez-vous, chers auditeurs, pour cette édition du 26 janvier 2018. Sylvain, merci. Merci à vous deux. Jerry, merci. Merci à vous deux. Mon retour était agréable. Ouais, ça s'est bien fait, hein? Ben ouais. Yes. Et moi, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la prochaine fois, écoutez du bon hockey, ayez du fun, puis envoyez chier le Canadien quand ils vous disent des menteries. C'est bon. Salut là. Bye. Ciao là. Bye. Sylvain, il a dit bye bye! Ouais, j'ai pas l'été surpris! Chris, que ça arrive jamais! Ouais, on va le couper! Je vais forcer, Chris! Ah, ça serait malade! Ça serait malade! Mêlé, mais juste après la chanson! Ouais, d'ailleurs, j'ai mis ce bout-là. Quand on continue de jaser de hockey après la coupure de fin, je mets comme l'extrait entre les deux tunes ou à quelque part, tu sais. Puis la semaine passée, c'était ça. C'était moi qui dis « Et on calisse, Jerry! » Et puis Sylvain, il dit « Bye-bye! » Ouais, non, ça, je m'en souviens. C'était drôle. Ah, moi, j'écoute ça, puis je ris tout seul. Ah, c'est clair. Ah, t'as dit « Bye-bye, Sylvain! » Je suis tellement fier de toi. Sylvain est parti. Ça s'en vient. Ouais, Sylvain, il est parti. Il fait comme « Fuck off! » Here's my confession, I've got a death wish. I'm in the fast lane, addicted to excess. Living my best life, I was on top right. Sipping the limelight, a deer in the headlights. My future used to shine as bright as a diamond. Where did time go? I was so high, it was private. No, I'm messed up, but there's no use in crying. No use in crying. I've been running wild, good time, but I can't stop now. Over my head in a landslide, can you pull me out? Oh my dear Lord. Oh my dear Lord, I've been running wild, had a good time, but I can't stop. Stop now. Over my head in a landslide. Can you pull me out? Pushing my disease, breaking bones and taking everything in front of me. Priests and beggars looking up to heaven from their knees. Is anyone listening?